Découvrez le récit inoubliable et nécessaire de Vanessa Springora. Avec Audiolib, écoutez le consentement. Je sens à tout instant le regard de G, assis à l'autre bout de la pièce, me caresser la joue. Lu avec tact par Guy Laclara-Kessous. Un livre audio disponible en librairie et en téléchargement sur audiolib.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Admiré par Chaplin et Eisenstein, René Clair aura longtemps personnifié, selon Henri Langlois, le cinéma français dans le monde, résumant aux yeux de l'étranger l'esprit même de notre nation, considéré à la fois comme le successeur de Feydeau et de Molière, disait le créateur de la Cinémathèque. D'autres l'ont détrôné depuis, et les cinéphiles d'aujourd'hui ne parlent plus guère de René Clair. Reste la trentaine de films qu'il réalisa de 1924 à 65, d'Entracte aux Fêtes Galantes, en passant par Sous les toits de Paris, Le Million, À nous la liberté, 14 juillet, Ma femme est une sorcière, La beauté du diable ou encore Les grandes manœuvres. Deux films manquent à sa filmographie, Rendez-vous à Paris, qui ne dépassa pas le stade du scénario, et Air pur, dont le tournage fut interrompu par la mobilisation de 1939. En 1966, c'était le scénario de ce film vaincu par la guerre que René Clair présentait et commentait dans Histoire sans images de Michel Polac. Histoire sans images, une émission de Michel Polac. Aujourd'hui, Air pur, scénario inédit de René Clair, lu par l'auteur. J'ai écrit le scénario d'Air pur au début de 1939. À la rédaction de ce scénario ont collaboré occasionnellement Albert Valentin, Georges Neveu et Pierre Bost. La réalisation du film, commencée en juillet 1939, a été interrompue par la mobilisation et la guerre. Elle ne fut jamais reprise. Je dédie cette lecture d'Air pur à la mémoire de Maurice Jaubert, qui devait composer la musique du film et qui a été tué au combat en 1940. Une rue d'un quartier populaire de Paris. Vue d'en haut et en enfilade, on voit la perspective des toits, puis d'autres toits, et les fenêtres du dernier étage, vues de la cour d'un immeuble pauvre. Une de ces fenêtres s'ouvre, et un enfant, que nous appellerons Ernest, apparaît dans l'encadrement de la fenêtre ouverte. Il lance au dehors le contenu d'une cuvette. L'eau tombe sur le bord d'un toit situé en contrebas et rejaillit dans la cour sur du linge qui sèche. Une femme, la concierge, apparaît aussitôt et regarde dans l'air. « Oh, ça alors, qu'est-ce qui a fait ça ?» À la fenêtre du troisième étage, une femme, qui est la mère d'Antoine, répond à la concierge. « C'est le gosse du cinquième. Tous les jours, il envoie son eau de savon dans la cour. » Et dans l'ensemble de la cour, deux autres commères sont apparus à leur fenêtre et se mêlent à la conversation. « Oui, je l'ai vu, il vient de fermer sa fenêtre. Il nous regarde derrière le carreau, je suis sûr qu'il nous tire la langue. Il n'y a rien à faire avec des cochons pareils. » À la fenêtre du dernier étage, Madame Pivert écoute. « C'est encore Ernest ?» La concierge. « Il m'a jeté son eau sale sur mon linge propre. » Madame Pivert quitte la fenêtre et rentre rapidement dans sa chambre. Elle arrive et on la voit dans l'embrasure d'une porte, interrogeant Ernest. « T'as encore vidé ta cuvette dans la cour ?» répond. Ernest, sa cuvette à la main, feint l'innocence. Il pose la cuvette auprès de lui. « Quelle cuvette ?» Madame Pivert s'avance vers Ernest et le secoue. « Quelle cuvette ? Mais celle que t'as à la main ?»« Mais c'est vous qui m'avez dit de la vider. »« Mais pas dans la cour, et surtout pas quand on te voit. Fiche le camp !» Nous sommes dans la chambre de Madame Pivert. Au premier plan, nous voyons une table et un morceau de pain. Ernest sort de sa chambre et court vers le pain. Madame Pivert l'empêche de le prendre. « Et de l'eau sale encore ! J'ai jamais vu de l'eau si sale que ton eau. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à la concierge ?» Non, non, non, tu n'auras pas de déjeuner aujourd'hui, ça t'apprendra. Et tâche de pas me revenir dégoûtant comme hier, sans ça, tu n'auras pas de dîner. Et si tu te figures que j'ai que ça à faire, de te laver et de te nourrir. » Ernest a couru vers la porte du palier et sorti. Madame Pivert le suit jusqu'à la porte et continue à crier. Et pour rien encore, pas plus d'argent que de reconnaissance. Et je me donne plus de mal que pour mon fils, si j'en avais un. T'as entendu ? Ernest, tout en répondant à Madame Pivert, s'est arrêté devant une porte devant laquelle est posée une boîte à lait dont il s'empare. On entend la voix de Madame Pivert. Tu peux pas répondre ? Ernest boit une gorgée de lait. Oui, madame. Au moment où il repose la bouteille, la porte du palier s'ouvre et un gosse apparaît. Ernest s'enfuit, le gosse le regarde, prend la bouteille et appelle sa mère. Cependant, on continue d'entendre Madame Pivert. Allez, allez, file, et tâche de pas être en retard en rentrant. T'as des courses à faire. Le gosse, qui a vu le méfait, crie « Hé, maman, maman !» Ernest débouche de l'escalier. La concierge l'aperçoit et court après lui en essayant de lui donner des coups de serviette. « Tiens, tiens, tiens, je t'en ferai salir des serviettes propres !» Et Ernest dit « Mais c'est pas moi !» La concierge dit « Tu peux courir, va, tu seras bien obligé de revenir ici !» Et maintenant, nous sommes dans la rue, vue de la boutique d'un fruitier. Ernest passe sur le trottoir, devant l'étalage, et après un coup d'œil sur la boutique, continue son chemin. Mais nous découvrons que l'embrasure de la porte, le fruitier de dos s'avance vers Ernest et lui donne un coup de pied derrière. « Tiens, voleur, tu crois que je t'ai pas vu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Montre tes poches, y a rien dedans. »« Montre-les, dit le fruitier. » Il essaie de saisir Ernest qui s'enfuit et traverse la rue en courant. Un lourd camion vient de face et s'arrête avec un grand bruit de frein. Au premier plan, nous voyons l'énorme roue du camion arrêté. Ernest passe en courant devant la roue. Par-dessous le camion, on voit Ernest qui arrive sur l'autre trottoir. Et, arrivé sur l'autre trottoir, il sort de sa poche une pomme et mord dedans. Auprès de lui, un chien dressé contre la boîte à ordures dans laquelle il fouille. Ernest voit le chien prendre quelque chose dans la boîte à ordures. « Voleur !» dit-il au chien. Il lui donne un coup de pied et part en courant. Nous sommes maintenant dans une classe d'école communale où un élève, que nous appellerons Charles Bidou, récite sa leçon. Le laboureur m'indique en rêve, fais ton pain. Le professeur dit non, en songe. Bidou de face se tourne désespérément vers ses voisins en attendant un secours. Il reprend sa récitation. Je ne te nourris pas. Non, plus, je ne te nourris plus, dit le professeur. Pendant que Bidou continue la récitation du songe de celui prud'homme, Ernest et un petit, que nous appellerons la puce, sont assis côte à côte et la puce désigne de l'œil la vitre qui donne sur le couloir. Ernest regarde dans la direction indiquée. La puce à Ernest. T'as vu ça dans le couloir ? Et derrière la vitre, pendant que l'on entend toujours la récitation des vers de celui prud'homme, nous voyons le visage d'une jeune fille, que nous appelons Yvonne, en blouse blanche, souriante. À côté d'elle, une femme plus âgée, Madame Masson. Yvonne et Madame Masson regardent la classe à travers la vitre. Et on entend Madame Masson. Mais dans cette classe, il y a les plus mauvais. Yvonne dit, ils n'en ont pas l'air pourtant. Oh, vous n'y fiez pas, vous les verrez vous-même. À la dernière inspection médicale, j'ai dû en gifler un. Yvonne dit, mais nous n'avons pas le droit. Oh. Est-ce qu'il avait le droit de me donner des coups de pied, lui? Quand j'ai débuté, je pensais comme vous. Mais je vous jure qu'ils vous feront changer d'avis. À ce moment, arrive auprès de Madame Masson et d'Yvonne le directeur de l'école. Monsieur le directeur, dit Madame Masson, voici l'assistante qui va me remplacer cette semaine. Vous appartenez au même dispensaire, demande le directeur. Oui, monsieur le directeur. Oui, depuis quelques jours, dit Madame Masson. Elle débute, elle a encore des illusions. Non, je n'ai pas d'illusions. J'aime les enfants. Le directeur, un peu sceptique, il ne s'agit pas de... Et Yvonne dit, mais ils sont toujours gentils avec moi. On voit à travers la vitre le directeur qui part, suivi de Madame Masson. Yvonne regarde encore une fois la classe et s'en va en souriant. Retournons dans la classe où Ernest est auprès de la puce. Il fait des grimaces dans la direction d'Yvonne et se tourne vers la puce. Au revoir, on t'a assez vu, dit-il en plaisantant dans la direction d'Yvonne. Puis à la puce. Elle en finissait pas de sourire, celle-là. La puce lui passe un papier en surveillant le professeur. Passe ça à ton voisin. Ernest prend le papier. Mais à ce moment-là, le professeur s'aperçoit du manège et bondit. « Aubry, ne bouge pas. Laisse tes mains dans le pupitre. » Il s'avance rapidement vers Ernest et la puce que l'on voit, de dos au premier plan. « Donne-moi ce papier. C'est toi qui as fait ça ?» Ernest. « Non, monsieur. » Professeur la puce. « C'est toi ?»« Non, monsieur. » Professeur. « Ah, c'est l'un de vous deux. » ?»« Non, monsieur, on me l'a passé. » »« Alors c'est toi, » dit-il à un autre. « C'est Pierre. » Pierre dit. « Non, monsieur, on me l'a passé aussi. » »« Et toi ?» Marcel. « On me l'a passé, monsieur. » Et toi ? Il apparaît sur Antoine, s'arrête sur Antoine, qui fait l'innocent. Moi, je sais pas. Qui te l'a passé ? Ben, je sais pas, c'est tombé sur mon pupitre. Bon, j'ai compris. Tu seras au piquet pendant la récréation. Antoine fait une terrible grimace dans la direction des dénonciateurs. Pendant ce temps-là, Bidou a ouvert son livre de morceaux choisis et apprend fébrilement la fin du songe. On entend le professeur qui dit « Ne fais pas de grimace, j'ai envoyé ce billet à monsieur le directeur, nous verrons si tu ne mérites pas une punition plus sévère. Allez Bidou, continue !» Bidou récite d'un trait à toute vitesse « Je connus mon bonheur et qu'au siècle où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés. » Il s'assied et se tourne vers ses camarades. « Salaud !» Antoine, furieux, tourné vers ses voisins, grommelle, l'appareil s'approche de lui. On entend Antoine, on va voir si bande de vaches, bande de cafards, attendez un peu, vous allez voir ça tout à l'heure. Et dans la cour de récréation, Bidou lance une balle vers l'appareil et court après, et nous découvrons Antoine, les mains derrière le dos, au piquet. Bidou arrive auprès de lui, et se baissant, engage la conversation. On les tient. Qu'est-ce qu'on leur demande? Antoine dit, 40 sous. Ils pourront jamais. Je m'en fous. Il faut qu'ils paient ce soir. Et plus tard, dans le vestibule de l'école, les gosses, les bras croisés, défilent en bon ordre. L'on découvre la porte donnant sur la rue où les enfants se dispersent en désordre. Maintenant, nous sommes à la forteresse. C'est un terrain vague près d'une maison étayée par de grandes poutres. Dans ces poutres, Antoine, tel une vigie, surveille l'horizon. Et voilà, attention! Un autre. Tu crois qu'ils ont l'argent? Oh ben, s'ils l'ont pas, on les fusille. Il appelle les petits. Allez, allez, grouillez-vous un peu. T'en fais pas, moi, dit un autre. Je vais les faire se dépêcher. Allez, on vous a assez attendu. Venez un peu vous expliquer. Et si on voulait pas venir, dit Ernest. Ah, si tu venais pas, ben, tu verrais quelque chose demain à l'école. On les pousse vers la palissade. Ils entrent ainsi à l'intérieur de la forteresse. Et l'on voit que les gosses sont assis sur des échafaudages. Cependant que les grands poussent les plus petits vers un mur. Silence! Vous êtes condamnés à être fusillés. Protestation des petits, c'est pas juste. Fallait apporter les 40 sous. Mais on m'a déjà fusillé deux fois cette semaine, dit la puce. Ça fera trois, et puisque vous râlez, on tirera dans la figure. Allez, vous êtes prêts? J'ai pris un vrai caillou pour Ernest. Allez, on joue. Les quatre petits mettent leurs mains devant leurs yeux. On entend Antoine qui crie. S'il y en a un qui tourne la tête, le dos recommencera. Feu! Les projectiles atteignent les victimes et Ernest pousse un cri. Salaud, vous avez mis des cailloux. Toi, quand je serai grand, je te casserai la gueule. Il ramasse une pierre qu'il jette vers Antoine. Antoine reçoit la pierre. Tous sur Ernest! Ernest s'échappe, courant, arrive près d'un trou. Les grands arrivent et lui saisissent les jambes. La tête et la moitié du corps. Ernest apparaissent d'un côté de la rue, il crie et se débat. Et on voit à côté d'Ernest Yvonne, qui est la jeune assistante sociale que nous avons vue dans l'école, qui cette fois en costume de ville s'arrête auprès de lui. Elle regarde la tête d'Ernest qui sort du trou. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ernest se dégage et évitant Yvonne s'enfuit. Antoine sort du trou et court à sa poursuite. Ernest en s'enfuyant crie. Ils m'ont fusillé avec des cailloux! Il fuit longeant la palissade, mais Charles et Robert sautent du haut de la palissade et lui barrent le chemin. Antoine puis d'autres gosses rejoignent Ernest et tombent dessus. Toute une mêlée se forme. Au fond, Yvonne accourt. Elle s'approche de la mêlée et tente de séparer les enfants. Un enfant qui arrive auprès d'elle la reconnaît et prévient les autres. « Attention, c'est la nouvelle !» Ils relèvent la tête et reconnaissent Yvonne. Ils lâchent Ernest et s'enfuient dans toutes les directions. Ernest se relève, veut fuir. Yvonne l'arrête. « Mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» Le petit Ernest dit « Je ne me suis rien fait, c'est les autres. »« Mais ton genou saigne, laisse-moi voir. » Il touchait pas sa cuit. Il la repousse brusquement et Yvonne, qui était en déséquilibre, tombe assise sur le trottoir. Elle entraîne dans sa chute Ernest qui tombe sur elle. Bah, t'es gentil, toi. Lâchez-moi, Ernest. Non, je te lâcherai pas. Je vais te ramener chez toi. Je veux pas de vous. Il se relève et Yvonne, ne le lâchant pas, se relève aussi. Tu vas être un bon petit garçon. Lâchez-moi. Tu vas venir avec moi comme un gentil petit garçon. Non. Il donne un coup de pied à Yvonne. Elle lui donne une petite tape sur la main. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Ernest ?»« Sale brute !» Il hurle. Il se débat. Yvonne l'entraîne pendant qu'il hurle. Et nous retournons dans le logement de Madame Pivert, où Ernest est sur une chaise, souriant. Il a une sucette à la main. Yvonne le soigne. « Ça te fait encore mal ?»« Oui. »« Et pourquoi vous n'avez pas votre blouse blanche ?» Elle lave le genou d'Ernest. Parce que je l'ai laissé à l'école. Il faudra encore laver ça demain matin. Tu le diras à ta maman. À qui? À ta maman. J'en ai pas. Ça vous épate? Et un papa? Non. J'ai un grand frère. Il habite ici, ton frère? Non. Il travaille à Pantin. Fred, il s'appelle. Je le vois jamais. Alors, qui s'occupe de toi? Madame Pivert. Et qui est-ce, Madame Pivert? C'est une vache. Elle est pas gentille avec toi? Je sais pas. Écoute, comment t'appelles-tu? Et vous? Je m'appelle Mademoiselle Yvonne. Moi, Ernest. Écoute, Ernest, je reviendrai te voir demain. Tu vas attendre Madame Pivert bien sagement. Tu veux m'embrasser? Pourquoi faire? Pour rien. Pour me faire plaisir. Ben, embrassez-moi, vous. Yvonne l'embrasse. Ça vous a fait plaisir? Oui. Et toi? Je sais pas. Tout d'un coup, il se dresse et joyeux. Venez voir ma chambre. Tu as une chambre à toi? Oh, elle est pas très grande. Ils entrent en effet dans une pièce sordide où Yvonne, après un coup d'œil, se dirige vers la lucarne. Mais pourquoi n'ouvres-tu pas ta fenêtre? Il fait chaud. Elle ouvre la lucarne et une bouffée de fumée pénètre dans la pièce. Bah, à cause de la fumée, c'est la cheminée d'en dessous. Yvonne referme la fenêtre et retourne vers Ernest qui lui montre une brochure déchirée. Regardez, j'ai un livre. Yvonne, attristée par ce qu'elle voit, s'avance dans la pièce principale. Ernest l'arrête auprès d'une petite table chargée d'objets en faïence. Vous en avez des comme ça chez vous? Non. Ça vaut cher. On les a avec des tickets primes. Et si je les casse, j'irai dans une maison de correction. Mais non, voyons. Si, si, j'irai, comme mon frère. Il a été, Fred. Ah, Fred a été en maison de correction. Mais toi, tu n'iras pas. Si tu es sage, tu viendras avec moi à la campagne. Avec vous? Oui. Dans une colonie de vacances, avec tes amis de l'école. Tu veux? Oui. Et il embrasse Yvonne. Ah, tu m'embrasses maintenant? Pourquoi ça? Je sais pas. Plus tard, et ailleurs, l'arrière d'une auto qui s'éloigne auprès d'un garage. Elle entre dans une petite cour. Une porte à deux battants, la porte de la cour, se referme derrière l'auto. Et nous voyons un jeune homme qui, dans l'entrebâillement de la porte, regarde vers la rue, se retourne. Fred, c'est toi? Fred suit des yeux une auto qui passe. Ça va, ils sont passés. Se fiche pas mal de nous. Il ferme la porte de la palissade. Et, suivi d'un copain, Albert, entre dans la cour. Oula, je croyais qu'on s'est suivi. Puis la Villette, j'ai eu chaud. Bon, t'as toujours chaud. Ah, j'aurais voulu t'y voir. Oh, Fred dit, je m'y suis déjà vu. J'ai pas meuté tout le quartier pour ça. Il montre la voiture, visiblement volée par Albert. Vous l'avez trouvé, cet objet? Gustave, un autre des copains. Avenue Truden. Le type, il avait laissé sa clé dessus. Fred examine la voiture, ouvre le capot. Ouais, bon. Ben, faudra vendre un petit morceau pour qu'on la reconnaisse pas, celle-là. À ce moment-là, un coup de sonnette retentit. Les trois garçons se tournent vers la porte. T'as entendu? La sonnette? Qui c'est? Fred dit, la police. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Gustave qui a regardé à travers la palissade, dit, c'est une fille, je la vois. Fred dit, ah ben une fille, ça m'intéresse. Eh bien, tu n'y vas pas. Fred dit, oh, t'as peur des filles maintenant? Il s'avance vers la palissade et se trouve en face d'Yvonne. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Aubry, s'il vous plaît. Elle est pas là. C'est pourquoi? C'est de la part de son frère. Qu'est-ce qu'il lui veut, son frère? Il ne lui veut rien. C'est moi qui voudrais parler à Monsieur Aubry. Ah, ouais. Alors c'est moi, Monsieur Aubry. Comment vous avez eu mon adresse? Mais c'est votre frère qui me l'a donnée. Et pourquoi? Mais si vous avez un instant. Il dit, oui, ici c'est pas commode. On pourrait aller s'asseoir en face. Il se tourne vers ses deux compagnons. Dites, je vais au bistrot. Gustave reste seul avec Fred. Ben, on y va aussi, mon vieux, si on te dérange pas. C'est sûrement les bonnes œuvres, à cause de son frangin. Albert dit, faut se méfier des bonnes œuvres. Gustave dit, il les prend gentilles maintenant. T'as vu le Fred s'il a couru? Et au bistrot, Yvonne et Fred sont assis devant une table ronde près de la porte. Fred, et ça vous embête pas de vous occuper d'enfants toute l'année? Oh non, d'ailleurs je ne fais que commencer, vous savez. Pendant cette conversation, Gustave et Albert se sont approchés de la table où se trouvent Yvonne et Fred, et avec une feinte gravité, font semblant d'approuver les propos sérieux d'Yvonne en échangeant des clins d'œil. Albert dit, « Moi, je voudrais poser une question, mademoiselle. Supposons que, malgré mon âge, je veuille me faire assister socialement. » Oh, Fred dit, « Tais-toi, Yvonne a compris la moquerie, n'est-ce pas ?»« Tais-toi, dit Fred. » Moi, je vais vous dire mon point de vue. J'estime que, quand on est joli, comme mademoiselle, il y a mieux à faire qu'à s'occuper des enfants des autres. Yvonne s'aperçoit que Fred s'est mêlé à la moquerie. Ah, vous aussi, vous vous moquez de moi. Vous savez, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Les premières fois, les gens se moquent toujours, c'est bien naturel. Vous me trouvez bête, n'est-ce pas? Moi, vous n'avez pas l'air si intelligent non plus. Et à Fred, vous surtout, grand imbécile. Fred se lève et s'adresse à ses copains. Vous êtes une bande d'andouilles. Gustave dit, ben c'est toi qui l'as fait partir. Car en effet, Yvonne s'en va. Ben, c'est vous qui avez commencé, cet idiot, je l'ai invité à dîner. Ben, tu veux qu'on aille la chercher? Oh, j'ai pas besoin de vous. Vous savez pas parler aux filles. Il se dirige vers la porte. Et nous le suivons jusqu'à une rue déserte de Pantin. Où nous voyons Yvonne immobile auprès du kiosque d'autobus. Fred s'arrête auprès d'elle. « Bon, quoi, c'est pas gentil de partir si vite. »« Je n'avais plus rien à vous dire. »« Nous avons à peine parlé d'Ernest et vous étiez venu pour ça. »« Oui, mais maintenant que je vous ai vu, je crois bien que c'est inutile. » Pendant ce temps, elle essaie de prendre des numéros d'attente d'autobus au distributeur. Mais comme elle est gantée, c'est difficile. Fred vient à son secours. « Attendez, avec des gants, c'est pas facile. » Il prend des numéros. « Vous avez même deux numéros, vous pouvez choisir. »« M'achetez pas l'autre. »« Pourquoi ?»« Pour le cas où je voudrais venir avec vous. » Yvonne jette un des numéros. « Vous êtes fâché ?»« Non. »« Non, je voulais vous dire. Pour mes camarades, faut pas leur en vouloir. Ils sont idiots. » Yvonne dit ironiquement. « Tandis que vous... »« Ah non, moi pas du tout, je vais pas blaguer. » J'ai dit seulement que je vous trouvais joli. C'est défendu? Non, mais ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, l'autobus est arrivé auprès d'eux. Elle fait un signe. Au revoir. Autobus passe devant nous et Yvonne se dirige vers la plateforme. Fred la suit. Non, partez pas encore. Faut que je vous parle d'Ernest sérieusement. C'est un peu tard. Ben, si vous me pressez, je trouve pas mes mots. Attendez un peu. Ils sont devant la plateforme d'autobus. Elle est à l'intérieur de l'autobus et lui devant la plateforme. Et le conducteur impatient tire le cordon. Et Yvonne dit, alors Ernest? Le conducteur dit, ben Ernest, vous parlerez de lui en attendant le suivant. Il remet la chaîne et l'autobus part. Fred a retenu Yvonne par le bras et il l'entraîne vers le kiosque d'attente des autobus. Fred. Et il l'entraîne vers le kiosque d'attente des autobus. Yvonne toute déconcertée. Et il passe souvent ces autobus? Fred galant. J'espère que non. Vous vouliez me parler sérieusement? Ah oui, voilà. Ernest, après tout, bah, je trouve que c'est un fainéant. Quoi? Ben, si vous pensiez à moi autant qu'à lui, je me trouverais fainéant. Ah, c'est ça que vous vouliez me dire? Entre autres choses. Vous n'avez jamais reçu de gifle? Oh si... Je déteste pas ça quand ça vient d'une femme. Ça finit toujours bien. Yvonne, entendant cela, veut s'éloigner, mais Fred l'arrête. Non, non, non. Écoutez, je voulais vous dire, Fred, c'est un vénard parce que, de mon temps, on s'occupait pas des gosses. On s'en occupait pas tant. Ah, si vous saviez ce que j'ai eu quand j'étais môme, dites, vous voulez pas dîner avec moi? Non, je n'ai pas le temps. Alors demain... Arrive un autre autobus, Fred dépité. Ah ben, ils sont pressés aujourd'hui. L'autobus s'arrête comme précédemment, et Yvonne, suivie de Fred, s'en approche. Fred au receveur. « Bah dites donc, vous passez toutes les minutes maintenant ?» Receveur. « Bah d'habitude, on nous engueule parce qu'on est en retard. » Au moment où l'autobus part, Fred crie à Yvonne. « Demain soir, 7h, métro Bichaumont !» L'autobus s'éloigne et Fred fait des signes d'adieu. Un autre jour, le lendemain, à vrai dire, le lendemain, Yvonne, en blouse blanche, est debout devant une table sur laquelle s'entassent des effets d'enfants. On fait l'inventaire du trousseau des enfants. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ce petit ? Je m'en suis occupé pendant que je vous remplaçais, Madame Masson. J'ai même été voir son frère pour lui dire comment l'enfant était traité. » Une assistante. « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » Yvonne. « Il m'a invité à dîner. » Toutes les assistantes rient. « Vous n'y êtes pas allé, dit Madame Masson. Ben, vous avez perdu une belle occasion. Allez, continuons. Besson, Antoine, c'est en règle. Elle se passe des fiches l'une à l'autre. Le trousseau est complet, l'autorisation des parents. » Yvonne dit, « Dites-moi, Madame Masson, pour Ernest Aubry, le petit Ernest, vous ne croyez pas qu'en allant voir cette femme qui le garde, Madame Pivert, en lui expliquant, « Oh, dit Madame Masson, je la connais. Elle dira qu'elle n'a pas le trousseau. Elle est comme les autres. Elle veut garder le gosse pendant les vacances pour qu'il fasse les courses et le ménage. » Bûcher Robert. Mais on pourrait pas le recevoir gratuitement. Qui? Bûcher Robert? Non, Ernest, le petit Ernest, Ernest Aubry. Écoutez, dis-moi, Masson, ma petite, il n'y a pas qu'Ernest Aubry qui a besoin des colonies de vacances. Il y en a plus de 50 000 enfants qui restent à Paris pendant l'été parce que les parents ne les donnent pas. Covin Léopold, c'est en règle. Cellier Joseph. Et dans la rue, à la forteresse des enfants, c'est-à-dire la maison en démolition, soutenue par des poutres, Marcel, un des gosses, arrive et s'introduit dans le trou de la palissade. On entend les cris des enfants qui s'amusent. Et à l'intérieur de la palissade, où jouent une dizaine d'enfants, Marcel court vers l'échafaudage et monte à l'échafaudage. Ernest ! On voit Ernest et la puce qui sont perchés sur une des poutres de l'échafaudage. Pourquoi vous êtes là-haut tous les deux ? Ernest, on est dans un arbre. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'arbre ? On regarde si les poules ont pondu. C'est bien idiot, les poules, ça pond pas dans les arbres. Mais alors, où est-ce qu'elles font leur nid? Dans un coin de la forteresse, Antoine est assis auprès de quelques grands et se tourne vers Ernest. Bon, descendez de là, c'est la place du guetteur, c'est pas pour les mômes. Faut bien se rappeler qu'il y a plusieurs enfants qui sont beaucoup plus grands que ce que nous appelons les petits. Descendez de là, c'est pas pour les mômes. Vous entendez? Ernest et la puce qui sont toujours perchés en haut des poutres. Ernest dit... « Non, j'entends pas. » Bon, la puce consulient dit, « Allez, on descend. On va aller se baigner avec Pierre. »« C'est ça, on plonge ?»« Non, l'eau est trop froide. » Ils descendent le long de l'échafaudage et, couchés dans la poussière, font semblant de nager. La puce, « Elle est bonne, l'eau ?» Marcel, « Oui, mais il y a du courant. » Antoine, lui, un des grands, dans son groupe, prend une boîte de conserve vide. « Vous avez plus de cigarettes ?»« Dites, les petits !» Faut aller nous ramasser des mégots, ça manque de tabac ici. Ernest, qui continue à nager par terre. On peut pas, on est en colonie de vacances. Et la puce crie. Il y a un crocodile qui nous poursuit. S'il y a des crocodiles aux colonies, tu sais. Ernest se retourne et fait semblant d'épauler de tirer. Pan, pan! Ben, tu peux pas tirer puisque tu nages. Ah non, dit Ernest, mais on est en bateau maintenant. Il fait semblant de ramer, les autres l'imitent. Un des grands, Antoine. Oui, ben, en fait, colonie, j'en connais qui ficheront pas les pieds aux vacances. Ernest, pour commencer. Et pourquoi j'irai pas? Parce que je veux pas. Et la mère Pivert non plus. Elle l'a dit à maman. Oui, mademoiselle Yvonne, elle veut que je vienne. Possible, mais ça la regarde pas. Alors qui c'est que ça regarde? Un gosse perché sur le haut de la palissade appelle. Ernest, on t'appelle. Qui ça? Un type en auto. Un autre gosse. C'est son frère. On voit en effet Fred qui est descendu de voiture et qui crie « Ernest, viens ici !» Ernest s'avance vers Fred. Au fond, on voit les gosses dont les têtes passent au-dessus de la palissade. Fred empoigne Ernest par le bras et le gifle. « Je t'ai défendu de donner mon adresse. Tu t'en souviendras maintenant ?» Et il se dirige vers la voiture dans laquelle Albert l'attend. Antoine, un des grands. Hé, Ernest, demande-lui d'aller à la colonie à ton frère. Et tous les gosses rient. Dans une rue du quartier, deux cars sont alignés, l'un derrière l'autre. Les cars sont pleins d'enfants qui se penchent aux fenêtres. En face d'eux sont des parents et des badauds, brouhaha. À une des fenêtres du dernier car, Yvonne est encadrée par Antoine et la puce. Les enfants sont tout endimanchés. Yvonne aux parents. « Oui, madame, il vous écrira chaque semaine. » Et elle se tourne vers Antoine. « Comment t'appelles-tu ? » « Antoine Besson. Je t'appellerai Antoine. » La puce. « Et moi, on m'appelle la puce. » Bon, c'est entendu. Entre les parents, Ernest, plus négligé que jamais, se glisse et regarde le car. Lui ne part pas. Yvonne regarde Ernest avec tristesse et lui sourit. Auprès d'elle, la puce a reconnu Ernest. Antoine, qui regardait en l'air, ne l'avait pas vu. La puce. « Au revoir, Ernest. Je t'enverrai une carte postale. » Antoine. « Tu vois ce que je t'avais dit ? Je voulais pas que tu viennes. » Ernest sur le trottoir. « Ben, j'irai si je voulais. Mais je veux pas. » Yvonne est encore à la fenêtre. Elle sourit à Ernest. « À bientôt, Ernest !» Tous les enfants poussent des cris, l'écart s'éloigne, et Ernest les regarde partir. Et maintenant, tous les camarades d'Ernest sont partis pour la colonie de vacances. Et Ernest se trouve seul, perdu au milieu des grands échafaudages de ce que les enfants appellent leur forteresse. Il regarde tristement devant lui en lançant des cailloux contre la palissade. Dans une rue, il apparaît tout seul, tout petit, et se promène lentement. Il s'arrête devant la cour d'un immeuble. Et l'expression de tristesse de son visage change. Il devient méchant. Car il a vu Ernest, le chien qu'il avait déjà vu précédemment, auprès d'une boîte à ordures dans laquelle il essaie d'attraper quelque chose. Un coup de pied d'Ernest fait partir le chien. Et la main d'Ernest sort de la boîte à ordures, un magazine policier. Plus tard, il lit ce magazine, assis sur les marches de l'escalier, d'un escalier extérieur. Un bruit de voix lui fait lever la tête, et c'est une commère qui crie « Hé, Madame Besson, j'ai des nouvelles du petit, vous en avez du vôtre ?» À sa fenêtre, Madame Besson en répond « Oui, j'ai une carte postale, il me dit qu'il mange bien, à ce qu'il paraît que c'est superbe là-bas. » La première commère. Le mien, il m'a dit qu'il y a une cuisine deux fois comme la cour. Madame Besson. Pareil qu'ils ont pris un bain dans la rivière. Oh, je suis tranquille, ils doivent se donner de l'exercice. Oh, faut être juste, ils ont l'air d'être bien traités. Mais des gosses, quand c'est tous ensemble. Je reprends. Puis, des gosses, quand c'est tous ensemble, ça s'amuse toujours. Ernest a entendu tout cela. Il essaie de lire son magazine, mais ne peut s'empêcher de relever la tête vers les commères qui parlent. Et quand il entend ça s'amuse toujours, il froisse le magazine, il en fait une boule et le jette loin de lui. Le magazine, froissé, glisse sur le pavé. Le chien, toujours le même, accourt et le flaire. Ernest regarde le chien avec fureur. « Salaud !» Il ramasse un morceau de brique qui est à côté de lui et visant le chien, il le lance violemment. Le morceau de brique manque le chien et rebondit contre le mur. Le chien s'en empare. Et le chien rapporte la pierre au pied d'Ernest. Il tire la langue et regarde l'enfant. Et Ernest regarde le chien. Il lève le bras comme s'il voulait lancer la pierre sur le chien. Mais son geste s'achève doucement. Et il lance la pierre au loin comme pour jouer. Le chien court et repart vers Ernest. Et plus tard, nous retrouvons le chien sur les genoux d'Ernest. Ernest le caresse. Comment tu t'appelles ? Moi, j'ai connu un chien qui s'appelait Tom. Auprès de la loge de la concierge et Madame Pivert regardent Ernest. Madame Pivert, regardez-le. sait pas quoi faire de ses 10 doigts. La concierge. Ben, le chien. Qu'est-ce qu'il fait avec un chien maintenant? Elle s'avance vers Ernest. Tu sais pas que les chiens ont pas le droit d'entrer dans la cour? Madame Pivert. Allez, remonte à la maison. La concierge. Sale bête! Viens pas nous apporter tes puces ici! Elle rejoint Madame Pivert qui lui dit: c'est vrai ça. Ça les embête d'aller à l'école, et quand ils sont en vacances, ça les embête aussi. Toutes deux entrent dans la loge. À la porte de la cour, le chien passe la tête et regarde. Il court vers l'escalier et monte vers le premier étage. Ernest souriant ouvre la porte du logement. Il entre et nous découvrons le chien qui est avec Ernest. Ernest à Tom, le chien. N'aie pas peur, Tom. Elle est avec la concierge, la vache. Tu vois, c'est là qu'il fait sa cuisine. Il montre un lit. C'est là qu'elle dort, la vache. Allez, viens chez moi, c'est mieux. Et à présent, il est assis sur son lit. Et il dit au chien, moi je couche ici, tu veux rester avec moi? Oui, ça serait bien, on se donnerait de l'exercice nous aussi. Tiens, tu l'as retrouvée ma balle? En effet, le chien est sorti de dessous un meuble, il a une balle dans sa gueule. Ah ben il devait y avoir un peu de poussière dessus, ça doit pas être bon à manger. Donne ça Tom. Il prend la balle dans la gueule du chien. Allez, amuse-toi. Le chien court après la balle et Ernest lui dit, attention! Car le haut du guéridon, ce guéridon chargé d'objets en faïence, le haut du guéridon bascule et tout tombe à terre. Ernest s'affole. On a entendu ce grand bruit de faïence cassée. Il bondit hors de sa chambre et empoigne le chien par la peau du cou. Allez, salaud, salaud, fiche le camp, dépêche-toi! Il traîne le chien vers la porte du palier. Plus tard, sur la table remise en place, les débris des objets de faïence ont été rangés par la main de Madame Pivert. 5 ans qu'il m'avait fallu, 5 ans de tickets primes, pour qu'il me les casse en 1 minute. Elle est devant la porte close qui conduit à la chambre d'Ernest pour qui elle parle. Mais je l'en ferai souvenir pendant plus de 5 ans, lui. De l'autre côté de la porte close, Ernest écoute et on entend la voix de Mme Pivert. Je l'avais prévenu. Alors, monsieur, votre maison de correction à vous, c'est ce qui se fait de plus dur. Ernest s'approche de la porte et écoute plus attentivement et on entend une voix d'homme. Il n'y a pas pire. C'est exprès pour les plus vicieux. Il faut voir si on sait les prendre. Mais nous voyons ce qu'Ernest ne voit pas. C'est que Madame Pivert est tout simplement avec l'employé du gaz qui est en train de relever le compteur et qui sourit fort amusé de la scène. Et Madame Pivert, à l'intention d'Ernest qui ne les voit pas, dit « Avec Ernest, vous aurez quand même du mal dans cette maison de correction. » L'employé répond « Oh, pas longtemps, le dernier entré, il est resté 3 semaines attaché sur une chaise. » « Eh ben, c'est ce qu'il faut pour Ernest, » dit Madame Pivert. L'employé du gaz continue sa besogne en clignant de l'œil en souriant. « Vous pourriez pas l'emmener demain ?» L'employé du gaz. « Demain, attendez, oui, j'ai encore une place libre, dans le cachot sans fenêtre. Ben, »« Ça lui fera une colonie de vacances, » dit Mme Pivert. « Et au moins chez vous, pas besoin de trousseau. » L'employé du gaz dit. « Pensez-vous, chez nous, on les habille à coups de fouet. » Et il s'en va. Ernest montre la porte à écouter avec terreur ce dialogue entre deux personnes qu'il n'a pas vues. Et on entend Madame Pivert qui crie « Ayez pas peur de taper dessus, alors vous venez demain matin ?» Et l'employé du gaz en descend l'escalier répond « Entendu, demain matin on vient le prendre. » Et on entend à nouveau la voix de l'employé du gaz « Entendu, demain matin on vient le prendre, entendu, demain matin. » Et nous sommes dans la chambre d'Ernest la nuit. Ernest, qui était couché sur son grabat, se dresse brusquement. Une raie de lumière éclaire ses yeux, il se lève. Sur le palier, la porte du logement s'est ouverte et Ernest, portant ses chaussures à la main, sort et descend l'escalier. Sans souliers, il marche sur les pavés de la cour jusqu'à la porte de la rue. On entend un petit aboiement, la porte est ouverte. C'est le chien qui était resté là et qui saute après Ernest. Maintenant, Ernest achève de nouer les lacets de son soulier. Le chien saute après lui. « Tais-toi, Tom !» Il pose son pied par terre et court. Et on voit que Tom le suit. C'est le jour, et nous sommes à nouveau dans la cour de ce garage bizarre à Saint-Ouen, où Fred charge des roues de secours que Gustave et Albert lui apportent. Il les charge dans une camionnette. On entend un coup de sonnette. Albert s'arrête, inquiet. Qui c'est ? Fred dit, c'est la police. Albert, ah non, dis donc, tais-toi, ça prend plus. Il va à la porte. Qu'est-ce que c'est ? Derrière la porte, Monsieur Alfred Aubry. Elle n'est pas là. C'est pourquoi. Et sortant, il se trouve en face d'un agent qui tient sa bicyclette à la main. C'est pour qu'il passe au commissariat. Fred inquiet regarde l'agent. Ouais, ben on lui dira, monsieur Alfred Aubry. Vous savez ce que c'est ? L'agent. Ben pour des renseignements sur un gosse qui a disparu de chez une nommée Pivert. Depuis longtemps, il a disparu ? Depuis 2 jours. Vous le connaissez, le gosse ? Fred dit. Non, mais je ferai la commission. Gustave et Albert voient revenir Fred. Et Gustave dit, bah tu vois, on t'avait dit que c'était la police. Albert dit, oh, blague pas, hein, c'est pas le moment. Fred arrive auprès d'eux. Vous avez entendu ? C'est mon frère, mon petit frère, qui a foutu le camp. Ah bah dit Gustave, dis donc, la famille c'est très joli, mais ton petit frère, il commence à nous embêter. Et Albert ajoute, tu te rends compte ? Ils vont venir au renseignement tous les jours. Oui, dit Fred, on va s'amuser. Mais attendez que je le retrouve, le môme. C'est lui qui s'amusera. Et nous sommes dans la campagne, du ciel, des arbres, de l'herbe. Une quantité d'enfants allongés dans l'herbe. Ce sont les petits-enfants que nous avons connus, et les grands, qui sont en colonie de vacances. Ils se lèvent et continuent des mouvements de gymnastique. Derrière eux, on voit la maison d'habitation de la colonie. Et dans un dortoir, Charles, un des gosses, imite en parodie les mouvements de gymnastique. 1, 2, 3, 4 Et vers la fenêtre, il crie « Bande d'idiots !» Antoine arrive en courant, suivi de la puce qui crie. Antoine dit « Regarde, il y a la puce qui écrit une carte à sa bonne amie !» Il passe la carte à Charles, qui le regarde malgré les protestations de la puce. Charles à Antoine. « Tu sais à qui il écrit ?»« À Ernest !»« À Ernest !» La puce dit « Oui, je lui avais promis. »« Tu lui écris à Paris ?»« Ben oui. »« T'as bien mis l'adresse ?»« Ben oui. » « Alors je la mets à la poste !» Et il jette la carte par la fenêtre. La puce, hurlant, court vers la porte et sort. Charles, suivi d'Antoine, s'avance. « Charles, alors dis donc, et mon lit ? Tu le fais ou tu le fais pas ?»« Antoine, il a pas fait ton lit ?» Marcel et Pierre finissent de faire un lit. Derrière eux, d'autres élèves font de même. Charles et Antoine s'approchent de Marcel. « Marcel, ben non, j'ai pas le temps, je finis le mien. T'avais qu'à faire le sien d'abord !» Et puis, je l'ai fait hier, ton lit. Pourquoi tu le fais pas toi-même ? Parce que tu l'es fait si bien, toi ! Antoine dit, comment tu t'y prends ? Et les deux grands soulèvent brusquement le drap et défont tout le travail des petits, puis s'enfuient en riant. Dans les lavabos, une file d'enfants sont occupés à faire leurs chaussures. Yvonne entre et les voit. Tu devrais te moucher, toi. Comment es-tu coiffé, toi ? Dis donc, la puce ! C'est pas tes souliers ? Ben non, c'est ceux d'Antoine. Antoine dit, c'est lui qui demande à les faire, mademoiselle, ça l'amuse. C'est vrai ? La puce baissant la tête. Oui. Dans le parc, les petits jouent au ballon. L'un d'eux lance le ballon qui sort de l'appareil, quelques petits courent après. Le ballon arrive près d'un arbre sous lequel est couché Robert. Il s'empare du ballon. Les petits accourent. Merci, dit Robert en prenant le ballon. Oh ben donne-nous-le, on joue. Bah, viens jouer avec nous si tu veux. Moi, jouer avec des moustiques. Hé, hey, Antoine ! Il lance le ballon à Antoine qui est un des grands. Les petits courent après et les petits arrivent auprès d'Antoine. Les petits. Hé, hey, on est en train de jouer, rends-le-nous. Tenez, voilà, dit Antoine. Il finit de le lancer puis allez le chercher. Il envoie le ballon d'un coup de pied très loin. Le ballon frappe une vitre de la maison de la colonie de vacances et la vitre se casse. Et nous retrouvons la directrice et les enfants au réfectoire. La directrice leur fait un petit sermon. Ce n'est pas très grave de casser un carreau, mais quand on l'a fait, il faut le dire. Qui a lancé le ballon ? Antoine ne bouge pas. Le coupable ne veut pas se dénoncer, c'est bon. Ben, je regrette d'avoir à punir tout le monde. Défense de parler pendant le déjeuner. Marcel a pire. En plus, on est puni pour lui. T'en fais pas. Un jour, on se vengera. Silence, les petits, dit Yvonne. Et nous nous tournons vers une fenêtre derrière laquelle on voit apparaître le petit Ernest qui était resté à Paris. Il est maigre, il est sale, il est fatigué. Il regarde à travers le carreau. La puce qui mangeait s'est arrêtée, l'œil fixe. Il a reconnu Ernest. Il appelle Yvonne, mademoiselle Yvonne. Il s'est défendu de parler. Alors la puce pousse du coude son voisin et lui montre Ernest. Le voisin stupéfait regarde. Yvonne les voit, suit leur regard, et à son tour, elle découvre Ernest. Elle se lève, elle court vers la fenêtre, que l'on voit au fond, et d'autres enfants se retournent. Les enfants courent vers la fenêtre, d'autres se lèvent et regardent, bruit de conversation et d'exclamation. À présent, le réfectoire est vide. Les tables ne sont pas encore desservies, mais Yvonne et Ernest sont seuls, assis à une table, et Ernest mange. Auprès de lui, Tom, le chien, mange dans une assiette posée par terre, avidement. Ernest auprès d'Yvonne, il parle entre ses dents, sans aucune amabilité. Yvonne lui dit, mais tu es venu seul de Paris, tout seul. Mais j'étais pas seul, j'avais le chien. Et pourquoi es-tu parti comme ça, brusquement? Parce que... Qu'est-ce que tu as mangé pendant ton voyage? Du pain. Et tu en manges pas aujourd'hui? J'ai pas faim. Par la fenêtre verte, on voit des enfants qui se pressent et regardent la scène. On entend le murmure de leur conversation. Ils parlent à voix basse. T'as vu? Il veut pas parler. Mais il veut pas manger non plus. Il n'y a pas à dire, hein, Ernest, c'est pas une fille. Il se dégonfle pas. Il avait dit qu'il viendrait. À ce moment-là, Antoine arrive auprès des petits. Alors quoi, vous n'avez jamais rien vu? Pierre se retournant. Dis donc, c'est pas toi qui viendrais de Paris à pied? Charles, à pied. Alors comment il serait venu alors? Yvonne apparaît à la fenêtre. Allez jouer, ne restez pas ici, laissez le déjeuner tranquillement. La puce. Allez, laissez-le tranquille. Il a repoussé Antoine, il a osé repousser le grand Antoine, qui dit à Charles, « Non mais t'as vu ça ?» La puce répond, « Mais dis donc Antoine, je croyais que t'avais dit qu'il viendrait jamais ici, Ernest. » Et nous retournons auprès d'Yvonne, qui est assise auprès d'Ernest. Elle a approché sa chaise de lui et lui passe le bras autour du cou. « Alors, tu veux que je te fasse manger comme un bébé ?»« Oh non. »« Ah, tu souris maintenant, ça va mieux. » En parlant, elle lui tend une cuillère et qu'Ernest avale machinalement. Dites, mademoiselle Yvonne, qu'est-ce que tu veux? Vous croyez qu'on va me garder ici? Mais oui, tu resteras avec moi. Ça vous fera pas des ennuis? Mais non, pourquoi? Ben parce que c'est vous qui m'aviez dit que je viendrais. Il se cache contre l'épaule d'Yvonne. Alors tu es venu? Il abaisse sa tête affirmativement. Et tu es content maintenant? Il ne répond pas, mais ses bras se passent autour du cou d'Yvonne et il reste immobile, comme s'il dormait. Au dortoir, Antoine et Charles sont auprès d'un lit sur lequel joue Tom. Ils jouent avec lui. Antoine, il a une drôle de tête ce chien. Charles dit, moi j'aime pas les chiens. Oh, moi non plus, mais celui-là il me plaît. Charles dit, mais plus que son maître en tout cas. Oh, son maître, lui montrant le chien. Il y pense déjà plus, Ernest. Un coup de sifflet se fait entendre, le chien s'échappe des mains d'Antoine et part. Il traverse le dortoir en courant et saute sur le lit où Ernest est encore couché, entouré par la foule des petits. Ernest, à Tom, le chien. Va pas avec eux, Tom, c'est pas des amis. Marcel, dis donc, personne lui a fait son lit, Antoine, ce matin. Ernest, bah, j'espère bien. Alors, comme je sortais de Paris, je vois un camion arrêté. Je raconte au conducteur que j'ai raté mon train. C'était un beau camion, tu sais, un gros. Et nous retrouvons, plus tard, Antoine, seul dans un coin, ses chaussures à la main. Il écoute le récit d'Ernest, et Ernest continue. Tout d'un coup, je lui dis, « Mais c'est pas là que je vais. » Alors il me dit, « Où que tu vas, petit ?» Naturellement, je lui raconte une blague, rapport aux gendarmes. Antoine interrompt le récit. Hey, « Hé, les gendarmes, maintenant, tu crois qu'ils s'occupent de toi, les gendarmes ?» Ernest a aussi une chaussure à la main. Il est entouré par les petits et regarde Antoine un instant, mais dédaigneusement reprend son récit. « Mais le plus dur, ça a été quand il a fallu se remettre à marcher. »« Mais où tu dormais ?»« Mais je dormais pas, je marchais toute la nuit. »« Faisait pas froid. »« J'avais mon chandail. » »« Alors dis, après, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» dit la puce. À ce moment-là, Antoine commence à écouter, très intéressé, la suite de la conversation. Et Yvonne entre, voit Antoine, qui machinalement crache sur la brosse à chaussures et fait lui-même ses souliers. Tiens, tu fais tes souliers ? Ben, vous voyez. Et pourquoi aujourd'hui plus qu'hier ? Aujourd'hui, ça m'amuse. Et encore plus tard, une rivière est pleine d'enfants qui s'ébattent dans l'eau et qui nagent. Ernest, Marcel et Pierre et la puce sont debout dans l'eau. Regardez, je nage, dit la puce. Alors, je dis oui, mais avec les pieds par terre. Tu sais nager, toi ? Comme Tom. Hé, Tom, viens ici. Voulez-vous le lâcher ? Antoine, Charles et Robert sont debout dans l'eau et jouent avec Tom. Et Ernest arrive auprès d'eux. Tu veux laisser mon chien, oui ? Non, mais t'entends comme il te parle, dit Charles. T'en fais pas, dit Antoine. Tu me le laisses, ton chien, quand tu partiras ? Mais je pars pas. Je reste ici, dit Ernest. Et alors, pourquoi la directrice écrit à Paris ? C'est pas vrai. Je te le dis, dit Antoine. Tu le jures ? Tiens, je le jure. Et il crache dans l'eau. Bon, Charles dit, crache pas pour un môme. Et Robert dit, puis après ça, on boit l'eau. Ernest dit, mademoiselle Yvonne ! Et il court auprès d'Yvonne. C'est vrai que la directrice a écrit à Paris pour moi ? Mais oui, il fallait bien dire à madame Pivert que tu n'étais pas perdu. Et alors ? Mais t'inquiète pas. Mais si on vient me chercher ? Ben, si on vient te chercher, nous verrons, je serai là. Elle la prend par la main et tous les deux plongent dans l'eau en riant. Allez, viens. Dans la campagne, une auto-découverte apparaît et s'arrête brusquement. Dans l'auto, il y a Fred et Albert. Fred, le frère aîné d'Ernest. Albert se penche en dehors de la voiture pour vérifier l'amarrage de ses cannes à pêche. Fred dit, j'ai eu une drôle d'idée de t'emmener. M'emmener, moi ? Mais elle est à toi ou à moi, l'auto ? Fred répond, tu sais, les autos, moi, je sais jamais à qui c'est. Alors, t'as déjà un poisson ? Non, mais j'allais perdre l'épuisette sur la route. Ah, tu me fais mal, dit Fred, tu me fais mal avec ta pêche. Et si tu figures que t'auras le temps de pêcher, on prend le gosse et hop, on le ramène à Paris. Et l'auto repart. Sur le gazon, devant la maison d'habitation de la colonie, débouche une immense farandole formée de tous les enfants qui courent et qui chantent. Ernest, au milieu de la farandole, en chantant joyeusement, il donne la main à la puce. Mais à un signal, la farandole s'arrête et se disloque. Les enfants partent dans tous sens. Ernest, la puce, Marcel et Pierre courent. Soudain, Ernest s'arrête. Son visage prend une expression de stupeur. Et on entend la voix de Fred. Ernest ! Viens ici ! Ernest regarde Fred comme médusé. Soudain, il se sauve dans le parc. La puce le suit. Fred le regarde partir. Oh, tu peux courir cette fois-ci. T'iras pas loin. Une femme de charge s'est approchée de Fred. Monsieur Aubry, la directrice, vous attend dans son bureau. Cependant, Ernest et la puce, débouchant de l'angle de la maison, courent vers une assistante. Ernest, oui, mademoiselle Yvonne. L'assistante dit, qu'est-ce que tu lui veux ? Je voudrais la voir tout de suite. Elle est au village. Où, au village ? Mais que ça peut te faire ? Ernest s'enfuit à nouveau, suivi de la puce. Et à l'entrée de la colonie devant laquelle est attachée la voiture de Fred, nous voyons Ernest et la puce qui franchissent cette grille et s'enfuient. Albert, qui est dans la voiture, se dresse soudain. Il descend de voiture. Hey, « Eh, dis donc, toi, où que tu vas ?» Les enfants ont brossé chemin. Albert les poursuit et s'arrête auprès du concierge. « Dis donc, t'as l'air bien pressé de partir, toi !»« C'est vous le gardien ici, oui ?» Oui, c'est moi, dit le concierge. Eh ben, compliment. S'il n'avait pas été là, il se sauvait encore, celui-là. Mais Ernest et la puce se sont cachés derrière un arbre. Ernest, tu vois, ils sont venus à deux pour m'emmener. T'es sûr qu'ils veulent t'emmener ? Et pourquoi ils seraient venus alors ? Allez, restons pas là. Si on voit, je suis frit. Où va-t-on ? Je vais me cacher. Ils partent en courant. Dans le bureau de la directrice, Fred est face à la directrice et assis en coin négligemment sur un meuble. La directrice, me permettez-vous de vous poser une question indiscrète, monsieur Aubry ? Pourquoi désirez-vous nous enlever votre frère ? J'ai mes raisons. Oui, oui, je sais, je comprends. Il est toujours pénible d'être séparé de ceux qu'on aime. Elle se tourne vers la tête. Madame Masson ! Madame Masson, qui est dans le jardin, s'approche de la fenêtre. Voulez-vous dire au petit Aubry Ernest de venir dans mon bureau ? Tout de suite, madame. Dans le parc, madame Masson appelle quelques enfants parmi lesquels se trouve Antoine. Hé, les petits ! Et les grands ! Allez chercher Ernest Aubry, on le demande dans le bureau de madame la directrice. Les enfants partent dans diverses directions. Et Ernest et la puce, qui courent toujours, sont arrivés auprès d'un poulailler, suivis du chien Tom. Ernest s'arrête auprès de la porte. Ah ça, mon vieux, c'est une bonne cachette, ils viendront jamais ici. Allez, va-t'en, Tom. Ils entrent tous les deux dans le poulailler. On les voit à travers le grillage, parmi les poules affolées, se rendre vers un abri en maçonnerie. Quelques poules s'échappent avec Ernest et la puce chassée par une jardinière furieuse qui vient de surgir. La jardinière, voulez-vous partir de là ? Quand il y a des poules qui couvent, moi je vais le dire à la directrice. Suivi par Tom qui les a rejoints, Ernest et la puce courent dans une autre direction. Et dans le parc, nous voyons un grand nombre d'enfants au milieu desquels surgit Antoine. Antoine, hey, dites les gars, on a perdu Ernest, faut le rapporter à la directrice, allez, cherchez partout. Les enfants partent en criant dans toutes les directions. Et Marcel, un des grands, s'approche d'Antoine. Ernest ! Ernest ! Antoine dit, tu crois qu'il va te répondre ? Et il veut nous faire courir la rosse. Antoine dit, t'en fais pas, quand on l'aura, on lui dira deux mots avant de le renvoyer à Paris. Et eux-mêmes partent en courant. Un puits auprès duquel se tiennent la puce et le chien Tom. Ernest est assis sur la margelle. Il tient la corde du puits. On entend au loin des appels. Ernest ! Ernest ! Ernest dit, tiens, tu les entends ? Allez, ils me chercheront pas là-dedans. Il empoigne la corde le long de laquelle il se laisse glisser. La puce, effrayée, qui reste, lui, à la surface, dit, mais la corde est solide. Ben regarde si le nœud tient bien. La puce se penche vers la corde nouée à un des montants qui soutiennent la poulie. Oui, le nœud est bon. Et il se penche au-dessus du puits. Dis, Ernest, t'as pas peur ? À l'intérieur du puits, nous voyons que le seau est suspendu au-dessus de la surface de l'eau et un pied d'Ernest se pose dans le seau et écrit en regardant en l'air vers la puce. « Non, ça va. Dès que mademoiselle Yvonne sera là, tu viendras me le dire. Mais tu diras à personne où je suis. » La puce en haut de l'ouverture du puits. « Non. » Ernest en bas. « Tu le jures. » La puce en haut. « Je le jure. » Tu veux que je crache, Ernest ? Ah non, non ! La puce, attention, les voilà ! Il se tourne, la puce se tourne et voit quatre gosses, dont Antoine et Paul, qui accourent vers lui. La puce se tourne innocemment vers eux. Antoine en arrivant. Dis donc, c'est comme ça que tu cherches Ernest, toi ? Paul. Oh, quand la puce est quelque part, Ernest, c'est pas loin. Alors dis-nous où il est ! Ernest, moi je vais vous dire, il est parti par là. La puce regarde le chien. Et Antoine dit, par là. Alors qu'est-ce que son chien fait ici ? Tom, en effet, Tom, le chien, debout contre la margelle du puits, pousse des grognements comme pour appeler Ernest, qui est au fond du puits. Bon, ben la puce dit, son chien, c'est moi qui l'ai amené, Tom. Paul lui dit, pour le fiche dans le puits ? Non, dit la puce, je voulais lui donner à boire. Mais là, il s'aperçoit de sa gaffe. Parce que pour lui donner à boire, il faudrait tirer le seau, et dans le seau, en bas, il y a Ernest. Ah oui, je voulais lui donner à boire, mais c'est défendu de toucher au puits. Antoine devient soupçonneux. Défendu ? Par qui ? Pas par moi ? « Viens, mon vieux Tom, je vais t'en donner de l'eau !» Il empoigne la corde, la puce bondit vers lui et s'accroche à son bras. « Fais pas ça, on va encore se faire engueuler !»« Mais qu'est-ce qu'il nous voit ?» Il tire et s'arrête. « Bah, tu parles d'un seau !»« Pas possible !» !»« Il est coincé dans le fond !» Les autres gosses viennent aider Antoine. Antoine et les gosses empoignent la corde. Et à l'intérieur du puits, en bas, Ernest, terrifié, remonte lentement. Sa tête atteint un rayon de soleil. Il entend la voix des enfants qui crient « Ça vient, allez, une, deux !» Paul dit, ah dis donc, ça va, j'en ai marre. Il se dit, on va tout casser. Un autre, ah moi je laisse tomber. Allez, feignant, allez, lâchez tout! La corde file entre leurs mains, et du fond du puits, on entend un grand bruit et un cri. La corde est descendue rapidement, La puce arrive. Il essaie de tirer la corde, mais elle lui échappe. C'est trop lourd pour lui. Il lève les yeux et crie « Ernest !» Et on voit la poulie qui tourne. L'extrémité de la corde arrive à la poulie et tombe. Dans le parc, à présent, la puce court en criant « Au secours, au secours !» Il rencontre des gosses. Ceux-ci le suivent. D'autres partent vers le puits. Et dans un autre endroit du parc, deux gosses courent. Puis la puce arrive, une vingtaine de gosses arrivent à sa rencontre et le suivent ensuite. Et 100 gosses à présent suivent la puce qui se présente, essoufflée, devant la fenêtre de la directrice. On voit Fred qui est avec la directrice. Ils sont à la fenêtre. Et la puce crie « Ernest est dans le puits !» Fred, la directrice, dit « Quoi ? Où est-il ? » dit Fred. « Dans le puits !» Fred dit « Ah, le salaud !» Il regarde la directrice, « Je vous demande pardon. » Il enjambe le bord de la fenêtre et saute parmi les gosses. Il part en courant vers le parc. La foule des gosses le suit. À présent, la culotte d'Ernest et le pantalon de Fred, dégouttant d'eau, sont accrochés à un fil de fer. On voit les têtes des gosses qui les regardent, et un des gosses presse le pantalon de Fred dans sa main. « Mais ça sera jamais sec ce soir, » dit un gosse. « Mais alors comment il fera le type ?» Un troisième gosse. « Eh bien, la directrice lui prêtera une robe. » Et Ernest ?« Oh ben, Ernest, il est couché, il n'a pas besoin de culotte. » Cependant qu'Antoine et ses amis tiennent Tom, le chien. Et Antoine semble fort amusé de l'aventure. Et Antoine, ben moi je croyais que c'était Tom qui avait soif. Paul dit, ben c'était Ernest qui buvait le coup. Antoine dit, t'as vu la tête qu'il avait quand on l'a retiré? C'était tout vert. Charles dit, ben l'eau d'épuis, ça donne des coliques, tu sais. Et il rit. Cependant que devant une des fenêtres de la maison, les gosses regardent à travers les vitres. Et un gosse dit, tu crois qu'on va lui donner une médaille de sauvetage? Oh, dis, pas parce qu'il a retiré son frère d'un puits. Mais oui, mais un puits, c'est plus mauvais qu'une rivière. Dis donc, t'as vu comme il a plongé? Et à l'intérieur, dans la lingerie, à travers les vitres, on voit Madame Masson qui tend une tisane à Fred. Fred, il est moins fier à présent. Il est vêtu d'un peignoir de femme trop court, il semble de mauvaise humeur, il est assis et tourne le dos à la fenêtre. Madame Masson lui dit, ne criez pas comme ça, vous allez attraper du mal, buvez chaud. Ah, oh, dit Fred, alors, je me fiche dans l'eau, faut encore que j'avale la tisane. Allez, donnez-moi mes frusques, ça vaudra mieux, et puis donnez-moi mon petit frère aussi pendant que vous y êtes. Vous n'avez pas honte? Allez, posez ça là. Il se lève et marche dans la pièce. Si vous faisiez votre métier, les gosses, ils tomberaient pas à l'eau, je serais pas ici à faire le mardi gras. Ah, c'est du propre, vos colonies. On vous confie des gosses sans méfiance, et puis on va les prendre, on les trouve pas, on les cherche, sont dans le puits. Ah ben c'est bon, j'ai compris, je vous enverrai du monde. À ce moment-là, une des assistantes ouvre la porte. S'approche de Fred. Ça va beaucoup mieux, le petit a parlé. Ben, il ferait mieux de se taire pour ce qu'il a raconté. L'assistant scandalisé part vers la fenêtre. À une fenêtre, on voit Fred qui se retourne vers l'assistante. Et le plus en douille, dit-il à Madame Masson, le plus en douille, c'est encore moi. N'allez me foutre à l'eau pour ça. Il voit que les gosses le regardent à travers la vitre. Vous me prenez pour une bête curieuse? Ça vous fait rigoler? Allez voir dans le puits si j'y suis. Il ferme les rideaux devant les gosses. Et on voit apparaître Yvonne. Alors les enfants quittent la fenêtre et courent. Dans le parc, Yvonne entourée d'enfants qui lui crient « Ernest est tombé dans le puits, et l'infirmerie, c'est son frère qui a plongé, on l'a remonté avec une corde !» Dans un couloir, Fred habillé paraît sa casquette sur la tête. Madame Masson est auprès de lui. « Oui, oui, ça va, merci, j'y vois clair. » Et il montre son pantalon. « On peut pas dire que ce soit trop sec. Ben, »« C'est votre faute, vous auriez dû attendre encore. Ben, »« J'ai attendu 3 heures, ça suffit. » Vous allez voir votre frère? Ah non, vous voulez rire? Je le verrai quand je l'emmènerai. Moi, maintenant, je vais prendre un verre, ça me séchera. À ce moment-là, paraît Yvonne. Monsieur Aubry. Ah, mais dis donc, dit Fred, voyant Yvonne. Mais je vous connais, vous. Que vous faites ici? Je vous attendais. Ah ben, c'est bien votre tour. Parce que moi, je vous ai attendu un soir, métro but de Chaumont. Ben, j'attends encore. Ernest veut vous voir, monsieur. Monsieur, je m'appelle Fred. Il faut que vous le voyez. Il faut. Je vous demande de le voir, si vous préférez. Oh, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Elle pousse la porte et on voit Ernest au fond. Ils avancent dans la pièce, dont la porte reste entrouverte. Ernest, couché, le regarde venir d'un air sombre. Je veux pas le voir, dit Ernest. Mais Yvonne et Fred s'avancent vers le lit. Fred regarde son frère. Eh ben, c'est un succès. Yvonne dit, Ernest, Ton frère n'a pas voulu partir sans prendre de tes nouvelles. Comment donc, dit Fred. Il y a même 3 heures que j'attends devant la porte. C'est pas vrai, dit Ernest. Fred regardant Yvonne. Il est poli, hein? Et, mais il rencontre le regard d'Yvonne et sous ce regard, se croit obligé de retirer sa casquette. Alors, sommes tous des menteurs! Yvonne à Fred. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. À présent, embrassez-vous gentiment. Faut que je l'embrasse? Ernest dit. Non, je veux pas. Alors, Ernest. Je veux pas l'embrasser. Fred. Ah, tu veux pas? Et si je veux, moi? Non, vous voyez comme il est. Tu veux m'embrasser, oui? Yvonne dit à Fred, mais vous lui faites peur. Qu'est-ce qui commande ici? Yvonne dit, moi. Sois sage, dit-elle à Ernest. Tout à l'heure, quand tu es tombé dans l'eau, tu sais qu'il y en a sorti? Ernest dit, c'est vous. Non, je n'étais pas là. Et désignant Fred, c'est lui. Ernest est confondu par cette révélation. Il réfléchit. Puis après un temps, il dit, et pourquoi? Yvonne regarde en Fred. Parce que ton frère est un bon garçon, dans le fond. Et qui t'aime bien. Fred Cogner, Ernest. Tu vois? Alors, embrassez-le. Ernest regarde encore Fred avec méfiance. Fred, qui n'a pas l'habitude, l'embrasse maladroitement. Il lui dit, imbécile! À peine est-il embrassé qu'Ernest s'essuie la joue. Fred s'essuie la joue aussi. Et maintenant, dit-il, dis-nous un peu ce que tu y fabriquais dans ce puits. J'attendais mademoiselle Yvonne. Ah, Fred, Yvonne. Ah, c'est dans les puits que vous avez vos rendez-vous? Ben, c'est bon à savoir. Yvonne sourit, dit, laissez-le dormir à présent. Ils sortent dans le couloir. Là, Fred s'arrête. Il est seul avec Yvonne. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis un bon garçon, dans le fond? Ça veut peut-être dire ce que je pense. Vous voulez plus me donner de gifle, alors? Non, vous ne méritez pas. Il reste un instant silencieux et regarde Yvonne. Dommage. Elle le regarde, puis comprend, se souvient et sourit un peu. À demain. Demain. Ben, je reviendrai voir votre frère. Ben, j'y pensais pas. Pensez-y. Elle ferme la porte. Mais derrière elle, la porte s'ouvre à nouveau, livrant passage à la tête de Fred. Il regarde son frère. Bonsoir, Ernest. À demain. Dans le couloir, Madame Masson est immobile. Et quand Fred ferme la porte, il voit Madame Masson et se coiffe de sa casquette et met ses mains dans ses poches. Et, prenant une attitude fière cette fois, je sais pas ce qui m'a retenu de lui flanquer une danse au môme. Et il part. C'est un autre jour. Nous sommes au bord d'une rivière. Et nous voyons le bouchon d'une ligne de pêche qui flotte et s'enfonce. La ligne est tirée. C'est une herbe qui est accrochée à l'hameçon. Fred et son copain Albert sont assis côte à côte. Fred ne pêche pas, lui. Mais Albert enlève l'herbe qui est accrochée à sa ligne qu'il relance à l'eau. Fred dit, bah, t'es pas mauvais pour les herbes. Ça fait la troisième. Albert dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de poisson dans ce pays-là. Oh, ben, à ta place, dit Fred, j'insisterai pas. Tu dois leur faire peur aux poissons. Il s'allonge dans l'herbe. T'entends les oiseaux? Albert dit, je suis pas sourd. On a beau dire, dit Fred. C'est un drôle de truc. Quoi? La campagne. Albert dit, moi je suis pas à la campagne, je suis à la pêche. Et alors? À la pêche, on parle pas. Il regarde sa ligne. Attention! Il devient sérieux, mais à ce moment-là, un gosse passe en courant derrière eux. Albert se retourne. Hé, le môme, fais pas de bruit, je pêche! Le gosse se cache derrière un arbre auprès d'Albert. Parlez pas! Il y a les autres qui me cherchent! Albert dit. Mais tais-toi donc, tu fais peur aux poissons! Faites pas de gestes, il gosse. Ils vont savoir que je suis là. Mais ferme ça, tonnerre, ça mord. Mais bougez pas, les voilà. Et Albert est attentif au mouvement de sa ligne. On entend les hurlements des gosses qui ont vu celui qui le poursuivait. Albert, découragé, pose sa ligne près de lui. Oh, ça y est, il est parti. Il se tourne vers les gosses. C'est votre faute, bande de sauvages. Et le gosse dit, ben, ils m'ont trouvé, c'est à cause de vous. Un autre gosse dit, oh, ben, moi, je joue plus, je vais regarder pêcher. Moi aussi. Ah, ben, alors, taisez-vous. Allez, tais-toi, tais-toi, disent les gosses, tais-toi, tais-toi. Et plus tard, le bouchon de la ligne s'enfonce légèrement. Et on voit Albert et Fred, et derrière eux, une cinquantaine d'enfants. Et un gosse dit, ça mord. Un autre dit, tais-toi, voyons. Monsieur, c'est qui a parlé? C'est pas moi. Ah non, mais on t'a dit de pas faire de bruit. Mais c'est toi qui en fais. T'empêches le monsieur de pêcher. Ben d'abord, les poissons, c'est sourd. Penses-tu? Ça désouit derrière les oreilles. Mais Albert, le pêcheur, rage ferme. Il se penche vers Fred. Ah, mon vieux, c'est bien simple, c'est bien simple. S'ils ferment pas leur gueule, je les fous tous à l'eau. Oh, t'en fais pas, dit Fred. Je vais t'en débarrasser. Il se lève et dit au gosse. Allez, mes tours, suivez-moi. Vous allez, dit un gosse. Je vais avec vous. Mais où nous allons? Vous me suivez. À présent, vous pouvez chanter aussi fort que vous voulez. Les enfants rient et partent en suivant Fred et chantent. Plus tard, dans le parc de la colonie, où les enfants sont groupés autour de la directrice qui parle, rien n'est plus beau dans la vie que l'esprit de solidarité, de dévouement, et même, quand les circonstances l'exigent, de sacrifice. Vous avez eu devant vous, au cours des minutes angoissantes que nous avons vécues hier, l'exemple de deux frères. Et à ce moment-là, nous voyons Fred assez embarrassé à côté d'Ernest qui se cure les dents avec son doigt. Fred lui prend la main pour l'en empêcher. L'exemple de deux frères plus étroitement unis qui ne le pensaient eux-mêmes avant l'incident qui aurait pu être si grave pour notre chère colonie. Pendant ce temps-là, Antoine, qui n'écoute guère le discours, fait une terrible grimace à Ernest. Et vous n'avez pas manqué, continue la directrice, d'être frappé, mes chers enfants, par cette affection solidaire. Ernest répond par une grimace à Antoine. Et Fred s'en aperçoit et secoue à nouveau la main d'Ernest afin qu'il se tienne tranquille. Par cette affection solidaire, continue la directrice, je dirais même cette solidarité affectueuse qui permet d'affronter la vie et d'aller vers l'avenir, la main dans la main. Et la main dans la main, c'est à notre grande surprise que nous voyons un peu plus tard Fred et Ernest. Au loin, la file des enfants les précède, le chien Tom les accompagne. Fred est entre Yvonne et Ernest. Il lâche la main d'Ernest afin de rallumer sa cigarette, mais quand il repart, Ernest tend à nouveau sa main à Fred. « Alors quoi, dit Fred, tu peux pas marcher tout seul ?» Il rejoint Yvonne en courant. Ernest les suit. Les gosses franchissent un fossé. Derrière eux, Fred et Yvonne. Fred aide Yvonne à franchir le fossé. Mais il garde la main d'Yvonne dans la sienne pendant qu'il s'avance vers l'appareil. Yvonne dit, vous savez, moi, je peux marcher toute seule. Fred désignant la barrière. Les barrières, vous les sautez toutes seules? Une barrière entre deux champs que les gosses escaladent avec cri. Et les derniers gosses finissent d'escalader la barrière dont Yvonne et Fred s'approchent. Allez, allez, laissez-moi vous aider. Yvonne dit, mais si vous n'étiez pas là, vous croyez que je ne passerai pas? Mais puisque je suis là. Il fait le geste de la prendre dans ses bras pour la soulever. À ce moment-là, Antoine, qui est au coin de la barrière, est parvenu à l'ouvrir. « Vous donnez pas la peine, mademoiselle Yvonne. Elle est ouverte, la barrière. » Yvonne et Fred passent par l'ouverture auprès d'Ernest. Fred furieux à Antoine. « Alors, pourquoi vous passez dessus, vous autres ?» Antoine dit, « Ben, nous, on n'est pas des dames. » À présent, Fred est à côté d'Yvonne, sur la pente d'une prairie. Les enfants tournent autour d'eux. Fred à Yvonne. Alors, tous les après-midi, comme ça, vous êtes obligé de sortir avec les gosses? Ben, il faut bien que je les surveille. Ah, oh, c'est plutôt eux qui vous surveillent. Et moi avec. Vous les trouvez pas gentils? Un gosse s'est glissé entre eux, étant cette herbe, cette plante, cette fleur appelée chandelle à Fred. Monsieur, regardez ça! Fred se tourne vers le gosse qui lui souffle la chandelle au visage et s'enfuit en riant. Bah oui, dit Fred, continuant à parler à Yvonne. Oui, je les trouve très gentils, mais à ce moment-là, il est interrompu par les pleurs de la puce. Mademoiselle, j'ai une épine. Fais voir, dit Yvonne. Oh là là, quelle histoire! Elle prend le doigt de la puce. Fred, t'as pas honte de déranger mademoiselle pour ça? Il se lève, dégoûté, et s'éloigne. Il appelle les gosses. Dites donc, les petits, j'ai besoin d'un trèfle à quatre feuilles. Antoine dit, bah, y en a pas du trèfle à quatre feuilles. Qu'est-ce que t'en sais, dit Fred. J'en ai vu en venant là-bas, juste au pied des arbres. Il sort une pièce de sa poche. Premier qui me rapporte un trèfle à quatre feuilles, je lui donne 100 sous. Ça fait combien par feuille? Antoine dit, ça fait pas lourd. Un gosse, ça fait 25 sous. Fred, bah, c'est bien possible. Allez, allez, caletez. Les enfants passent devant Yvonne. Quand le dernier est passé, la puce se débat et cherche à échapper à Yvonne. Ça y est, j'ai plus mal. Mais non, laisse-moi finir. Je veux aller avec les autres. La puce part en courant. Et à présent, Fred, débarrassé de tous les enfants, grâce à ce stratagème, se couche sur l'herbe auprès d'Yvonne qui est accoudée sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un trèfle à quatre feuilles, comme les gosses. Mais on en trouve, vous savez. On dit que ça porte bonheur. Si j'en trouve un, je le donnerai à Ernest. Ils sont maintenant côte à côte. Et au cours du dialogue suivant, ils cueillent des trèfles qu'ils regardent et les jettent l'un après l'autre. Et comme Yvonne a dit, si j'en trouve un, je le donnerai à Ernest, Fred soupire. Ah oui, Ernest. Vous savez qu'il a un frère, Ernest? Un autre? Non, moi. Un peu de bonheur, ça me ferait pas de mal. Vous vous plaignez? Des fois, pas en ce moment, parce que... À Paris, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien de spécial. Vous avez un métier. Oh, un métier. Pour l'instant, je suis dans les autos. Mais parlons pas de ça. Mais de quoi vous occupez-vous dans les autos? Des roues de secours. Je suis dans les pièces détachées. Écoutez, je voudrais... Et Ernest, il fera la même chose que vous plus tard? Oh, ça m'étonnerait pas. Dites, je voulais vous dire, la première fois qu'on voit quelqu'un, on se rend pas compte. Vous vous rappelez qu'on est allé au café? Et puis voilà, je suis à côté de vous, dans l'herbe. Trouvez pas ça drôle? En voilà un! Quoi? J'ai un trèfle à quatre feuilles! Deux gosses penchés sur l'herbe se redressent. Mademoiselle Yvonne! Mademoiselle Yvonne en a un! Hé les gars! Mademoiselle Yvonne en a un! Les gosses se relèvent et partent en courant dans la direction d'Yvonne. Les deux premiers enfants arrivent auprès de Fred et Yvonne. Et Fred murmure, ça valait pas le coup de crier si fort. Il se tourne vers les enfants qui arrivent. Quoi, vous en avez jamais vu? Un gosse, c'est par ici qu'il y en a! Alors tous les gosses maintenant reviennent, entourent Yvonne et Fred et se mettent à chercher dans l'herbe autour d'eux. Fred se lève et s'éloigne vers un arbre isolé. Il arrive sous l'arbre, tire un journal de sa poche et s'assied par terre pour lire. Plus tard, au cours de cette même journée, la pluie tombe sur les feuilles d'un arbre au-dessous duquel est Fred. Il regarde en l'air, relève son col et entend la voix des enfants qui l'appellent. Ils sont sous un autre arbre, massés autour d'Yvonne. Et Yvonne les fait taire parce que les enfants s'amusent à crier « 1, 2, 3 » et tous ensemble « Monsieur Fred !» Mais Antoine, dans le groupe des grands, grommelle. Ben laissez-le, Fred. Il est bien où il est. Comme ça, il nous fout la paix. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il nous embête pas. Alors, il a l'air de bon type. Antoine dit, c'est marrant, faut toujours que vous disiez le contraire de moi maintenant. Une voix. 1, 2, 3, les enfants tous ensemble. Monsieur Fred! Yvonne se tourne vers les enfants. Mais taisez-vous, il veut pas venir. Ernest dit, je vais aller le chercher. À ce moment-là, on entend un coup de tonnerre. Il dit, ne restons pas ici, il faut jamais rester sous un arbre pendant l'orage. Où va-t-on? Là-bas, à la bergerie. Les gosses mettent leur veste sur leur tête et quittent l'arbre en poussant des grands cris. Ernest se détache d'un groupe d'enfants et court vers l'arbre sur lequel est Fred. Allez, viens avec nous, il faut pas rester sous un arbre pendant l'orage. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est Mlle Yvonne. C'est elle qui t'a dit de venir me chercher? Ernest hésite et fait un léger mensonge. Oui, c'est elle. Ah, alors, si c'est elle qui l'a dit, je viens. Ernest court vers les autres enfants, vient. Il vient, il vient. Et tous les enfants s'engouffrent dans une vieille bergerie, à l'intérieur de laquelle ils se secouent. Mademoiselle, je viens de me réchauffer, me donne des claques. Mademoiselle, il me frotte pas, il me pince. Taisez-vous, dit Yvonne. Est-ce que tout le monde est là? Elle court vers la porte. « Pierre Ernest, où est-il ? » Elle va à l'entrée de la bergerie, au moment où Ernest apparaît lui-même auprès d'elle. Allez, va te réchauffer, qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'étais avec Fred. Où est-il? Ben, je croyais qu'il me suivait. Fred! Allez, rentre! Elle reste à la porte de la bergerie seule et regarde la plaine que la pluie a envahie. Fred! Dit-elle elle-même. Nous voyons la plaine et l'arbre sous lequel était Fred. Un éclair. La foudre tombe sur l'arbre, dont une branche se détache. Fred! Crie Yvonne. Mais Fred, qu'elle n'avait pas vu, est auprès d'elle, abrité par l'avancée du toit de la bergerie. Ben Fred, il est là, Fred! Et montrant l'arbre. Dites, vous avez vu? C'est dangereux, la campagne! Il vole encore tout ému. Je croyais que vous étiez resté sous l'arbre. Ça aurait pas été une grande perte, hein? Ne riez pas, dit Yvonne, j'ai vraiment eu peur. Ah ben, c'était gentil pour moi d'avoir peur. Allons nous mettre à l'abri. Vous savez, dit-il, si vous continuez à m'appeler Fred, ça me fâchera pas. La pluie continue de tomber sur le toit de la bergerie et on entend une chanson chantée par le chœur des enfants. Devant la porte de la bergerie, des moutons se pressent pour entrer. Le berger est auprès d'eux. À l'intérieur, les enfants chantent, entassés pêle-mêle avec les moutons. Ernest, qui porte son chien sur ses genoux, et Yvonne chantent parmi les moutons. Un éclair fait que le chant s'arrête. La puce et ses petits sont parmi les moutons. Les enfants se bouchent les oreilles et on entend le tonnerre. Autour de la puce, d'autres gosses sont immobiles, inquiets. On voit Fred que les gosses regardent. Fred est auprès d'Ernest. Fred dit « Alors quoi, vous êtes tous muets ?» Et c'est lui qui reprend la chanson. Maintenant, Ernest le suit. Les autres voix suivent. La puce et ses voisins chantent aussi. Un éclair les arrête à peine. La puce n'ose pas se boucher les oreilles. Ernest, qui a pris le bras de Fred d'un côté et celui d'Yvonne de l'autre, chante. Le regard de Fred rencontre celui d'Yvonne. Il se sourit. L'orage est passé et les moutons s'en vont sur la route. Les enfants en file s'en vont de l'autre côté. À la fin de la file, Ernest marche entre Yvonne et Fred. Yvonne tient Ernest par la main. Fred tend la main à Ernest qui se tourne vers son frère et lui donne la main. Et au fond, le ciel et les nuages montrent que l'orage s'est apaisé. Devant un bistrot de Pantin, la voiture d'Albert s'arrête. Gustave, à l'intérieur du bistrot, est auprès d'Albert. Albert dit, mon vieux, moi, tu sais, la campagne. Ben, si t'aimais pas la campagne, dit Gustave, pourquoi t'es pas venu plus tôt? Mais à cause de Fred, voulait plus s'en aller. Et où est-il, Fred, maintenant? Il est toujours là-bas. Le patron et un consommateur qui lit un journal les écoutent et le patron du bistrot dit « Et comment il va, Fred ?» dit Albert, « Vous n'êtes pas prêt de le revoir. » Et à voix plus basse, il confie à Gustave « Moi, mon vieux, Fred, je crois qu'il est cinglé. Un de ses jours va grimper dans les arbres. » Gustave dit « Une histoire de poule ? Probable. » Gustave dit « Donc, viens un peu dehors. » J'ai hâte de causer. Albert dit, ça va mal? Pas trop bien. Derrière la vitre, il y a la silhouette d'un passant. Albert s'arrête au seuil de la porte. Et Gustave lui dit, qui c'est ce type là dehors? Oh, moi, j'en sais rien, moi. Tu vas encore me faire marcher. Gustave, mais non, idiot. Et s'adressant au patron, dites. Vous le connaissez, le type qui est dehors? Patron dit non, je sais pas qui c'est. Le consommateur qui avait écouté la conversation prend la parole. Moi, je le connais, le type qui est dehors. Il est de la police. Et comment vous le savez, dit Gustave? Parce que j'en suis aussi. La porte s'ouvre et l'inspecteur qui est dehors entre. Celui qui vient de parler le rejoint auprès de Gustave et d'Albert, le premier inspecteur. Et le troisième, l'autre inspecteur. Il n'est pas là. C'est Fred Aubry. Gustave. Qui ça? L'inspecteur. Ton ami, Fred, où est-il? Gustave, dis-je, moi je l'ai pas revu depuis longtemps. Eh ben, tu le reverras bientôt, console-toi. Et l'autre inspecteur dit, il vous rejoindra, mes enfants. On va s'occuper de lui. Pendant ce temps, Fred est toujours à la campagne, en haut d'une meule de foin. Derrière lui, deux gosses surgissent. Et Fred les appelle. Ouh, ouh. Les gosses, ouh, ouh. Attention, tout le monde en bas. Plusieurs meules de foin dans le champ. Et au commandement de Fred, tous les gosses se laissent glisser en bas des meules, en criant. Fred est sur la meule et le gosse le pousse. Vous aussi. Attention, dit Fred, il y a quelqu'un en dessous. En effet, c'est Yvonne qui est assise au pied de la meule et Fred glissant en haut près d'elle. Je vous demande pardon. Et il se tourne vers les gosses. Je joue plus avec vous. Fichez-moi la paix. Fred se penche vers Yvonne. Bougez pas. Vous avez une araignée. Non, c'est pas une araignée. Vous l'avez dit l'autre jour. Vous savez, avec des longues pattes. C'est un faucheux, dit Yvonne. Ça y est, faucheux. Oh, mais je commence à m'instruire avec vous. Il se tourne vers l'insecte qui est tombé. Yvonne se tourne aussi. Pendant qu'en haut de la meule, deux gosses poussent une énorme brassée de foin. T'es prêt? Allons-y. Hop! La boule de foin tombe et Fred, avec Yvonne, sont couverts par le foin. On entend les cris de joie des gosses. Yvonne et Fred se dégagent du foin, mais autour d'eux, les enfants rient et se bousculent. Ernest arrive par les milieux en criant. Les rires s'arrêtent. Mademoiselle! Mademoiselle! Tom est perdu. C'est Antoine qui l'a perdu. Antoine dit, c'est pas vrai. Il a couru après une bête, je l'ai appelé. C'est pas vrai, dit Ernest. T'as fait exprès de le perdre. Idiot, dit Antoine. Et pourquoi tu l'as emmené? Mais c'est lui qui m'a suivi. Les gosses entourent Antoine en protestant. Oh, ce culot, rends-lui son chien. Où tu l'as mis? Tu l'as fait exprès. Yvonne arrive et calme les enfants. Elle sépare Ernest et Antoine qui allaient se battre. Alors, taisez-vous. En voilà assez. Il se tourne vers Antoine. Pourquoi étais-tu parti tout seul avec le chien? Pour m'amuser. Tu veux pas t'amuser avec tes camarades? Non, j'aime mieux Tom. Ernest dit, Tom, c'est mon chien, il est à moi. Tais-toi, dit Yvonne Ernest. Et où étais-tu quand Tom est parti? Antoine montre une direction quelconque. Par là. Eh bien, venez les enfants, nous allons tous le chercher. Les enfants, emmenés par Yvonne, s'éloignent en criant. Et sur une colline, les enfants se dispersent. En appelant « Tom, Tom !» Dans une forêt, d'autres enfants « Tom, Tom !» Une plaine avec des hautes herbes, Ernest tout seul qui appelle « Tom !» Et un étang dans lequel se reflète le ciel, on entend la voix lointaine d'un enfant, on ne voit pas « Tom !» C'est le soir, à présent. Dans le réfectoire, les enfants mangent en silence. Yvonne est auprès d'Ernest qui ne mange pas. « Alors Ernest, t'inquiète pas, demain je suis sûr que Tom sera revenu. » « Non, » dit Ernest, les larmes aux yeux. « Non, il serait déjà là. Il me quittait jamais. »« Alors ne pleure pas. »« Je pleure pas !» Il se cache la tête dans son bras replié. Les enfants cessent de manger et regardent Ernest, puis ils se tournent et regardent dans la direction d'Antoine. Antoine, au milieu de ses voisins, sent tous les yeux qui se tournent vers lui. L'air buté, tous ses regards l'exaspèrent. Soudain, il jette violemment son pain dans son assiette de potage. « Vous n'avez pas fini de me regarder tous ?» Il se lève. Tout le monde le regarde. « J'en ai assez, moi j'aime bien m'en aller !» Il passe derrière Ernest et Yvonne. Yvonne se lève. Antoine s'arrête. « Antoine, est-ce que tu deviens fou ?»« J'en ai assez !»« De quoi ?»« De tout le monde !»« Alors va te coucher. » Ernest est à côté d'Yvonne qui s'est rassise. Il ne pleure plus. Yvonne dit « Allez, les enfants, taisez-vous. » Vous voyez bien qu'il y a du chagrin, Antoine. C'est sa manière à lui d'avoir du chagrin. Ernest indigné. C'est lui qui a du chagrin maintenant? Et pourquoi? Mais parce que vous l'accusez tous et que peut-être il n'a rien fait. Mais s'il n'avait rien fait, Tom serait là. Tu n'en sais rien. Pourquoi il n'est pas revenu, Tom, alors? Dans une rue de village, le soir, nous voyons le garde-champêtre qui tient Tom tenu au bout d'une ficelle. Ben, je l'ai trouvé tout seul sur la route. Pas de collier, personne ne le connaît. C'est un chien errant. Et alors, dit un passant. Bah alors, les chiens errants, j'en ai ramassé toute la semaine. Pourquoi? Bah il demandait au préfet, des chiens errants, il n'en faut plus, qu'on m'a dit. Il s'adresse à Tom. Allez, mon vieux, va rejoindre tes frères. Il ouvre la porte de la remise, on entend les aboiements de nombreux chiens. Le garde pousse Tom dans la remise, dont il cale la porte avec une pierre. Les lumières sont éteintes dans le dortoir de la colonie. Les enfants sont couchés. Une ombre traverse le dortoir. Ernest est couché, mais Antoine, tout habillé, apparaît auprès de son lit. Il se penche sur Ernest. Tu dors ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je vais te dire que ton chien, je n'ai jamais fait de mal. Il vaut mieux que vous tous. Ernest se détourne d'Antoine. Ça va, tu me diras ça demain. Demain ? Tu risques pas de me voir demain, dit Antoine. Où tu seras ? Je serai en route. T'es pas le seul à savoir marcher, non ? Et nous voyons le parc de la colonie qu'Antoine traverse. Il porte un sac en bandoulière. Il franchit la grille d'entrée. Il marche dans la rue du village. Il passe. Mais on entend un bruit de pas qui le fait se retourner. Ernest court vers lui. Ernest a passé une culotte sur sa chemise de nuit. Il s'arrête auprès d'Antoine. Pourquoi tu t'en vas ? Ça te regarde ? Je te le demande. Parce que vous me dégoûtez tous, toi et les autres, et ton Fred, et ta mademoiselle Yvonne. Vous pouvez tous crever. Et qu'est-ce qu'on t'a fait ? Vous êtes tous contre moi, c'est ta faute. Puis que t'es arrivé ici, il n'y en a plus que pour toi. Aujourd'hui c'est ton chien, demain sera autre chose. Et c'est toujours moi qui trinque. Ernest dit, ah oui, t'es à plaindre. Moi je vais dire ce qui te manque. C'est que tu peux plus nous foutre sur la gueule comme à Paris. Ouais ? Eh ben, j'y vais à Paris, on s'y retrouvera. Alors fais pas l'idiot. Rentre. Tu me fous la paix, oui ? D'abord, dit Ernest, tu peux pas partir, fait nuit. Oh, je me débrouillerai. T'as pas voyagé la nuit, toi ? La nuit, penses-tu ? Antoine intéressé, t'avais peur ? Oh, dis Ernest, c'est pas tant qu'il fait nuit, mais il fait froid. Antoine dit, j'ai mon chandail. Oh, il fait plus froid qu'un chandail, dit Ernest. Je dormirai dans les granges, on dit ça. Mais il y a toujours des chiens qui aboient, c'est pas des chiens comme Tom. Dis, tu sais pas où il est, Tom ? Antoine, c'est un homme idiot. Si je le savais. Allez, on va te coucher. Et comment tu mangeras demain ? Antoine montre en sa musette. T'inquiète pas, j'ai fait des provisions. Ernest dit, ben mon vieux, quand t'arriveras, tu verras tes pieds. Antoine, dis donc. Ernest dit, quoi ? Antoine, il y a des types qui viennent. Il passe devant la remise municipale et court se cacher dans l'ombre de la remise. On entend les aboiements furieux de Tom. T'entends ? On dirait Tom. Antoine dit, comment il serait là ? J'en sais rien. Mais je te dis que c'est lui. Il appelle. Tom ! On entend les gémissements du chien. Antoine dit, tais-toi. Là, les types, c'est les gendarmes. Ils s'aplatissent par terre dans l'ombre. Tom ! Antoine dit, tais-toi. Voilà les types. C'est des gendarmes. Ils s'aplatissent par terre dans l'ombre. Deux gendarmes s'arrêtent devant la remise. On continue d'entendre Tom et d'autres chiens. Un gendarme dit « Allez, allez, ça va les chiens, taisez-vous un peu !» Et l'autre ajoute « Demain, ils feront moins de bruit. C'est demain que vient le vétérinaire ?» Et les deux enfants, tapis dans l'ombre, entendent la suite de la conversation entre les gendarmes. « Demain matin. Et comment qu'il est-tu ? » Oh, une piqûre, c'est rien du tout. Ils font même pas ouf. Ça coûte moins cher que de les nourrir. Et on entend les pas des gendarmes qui s'éloignent. Les enfants sortent de l'ombre. Antoine rampe jusqu'au coin de la remise et regarde. Ernest le rejoint. Ernest, t'as compris ? Ah ben, c'est pas difficile. Et pourquoi ils veulent les tuer ? Antoine dit, ils tueront pas Tom, je te le dis. T'es sûr que c'est Tom ? Ben on va bien voir. Il se relève et court vers la porte. Les chiens aboient. Devant la porte, Antoine regarde par le trou de la serrure. Ernest est auprès de lui. Et dit, tu vois quelque chose ? Ben non, c'est tout noir. Tom ! Tom ! Bon sang de bon sang. cri de rage, Antoine secoue la porte. Elle a pas l'air d'être fermée. Eh oui, mais elle s'ouvre pas. Oh, regarde, cet homme. En effet, au bas de la porte qui est vieille et composée de vieilles planches, le nez de Tom passe sous une planche plus courte. Ernest s'agenouille devant Tom. À côté de lui est la pierre qui maintient les battants de la porte. Ernest dit « Tom, Tom, oui, on est là, mon vieux, on est là !»« Mais Antoine !» dit Ernest. « C'est une pierre qui tient la porte !» Antoine, auprès d'Ernest, se penche sur la pierre. « Allez, aide-moi, pousse !» Ernest dit « Ça y est, et bouge !» Antoine tire la pierre pendant qu'Ernest entre-ouvre la porte. La porte s'entrouvre. Tom sort. « Viens ici, Tom, viens avec nous !» Tom est auprès des jambes des deux enfants. Il saute et crie. Ernest parle à Tom et Antoine tient la porte fermée. Ben, « Dis merci à Antoine aussi, malpoli !» dit Ernest. « Oh, oh !» dit Antoine, « t'occupe pas, va, c'est ton chien. Allez, faut se sauver, on met la pierre. »« Ben oui, mais alors les autres chiens ?»« Eh, ben, les autres. Hein. »« Oh, ben pour la pierre, ils font ce qu'ils voudront. » Et ils partent, et ils courent dans les rues. Et la porte de la remise s'ouvre, les chiens se précipitent au dehors. Ils courent dans la rue. Et Ernest et Antoine, qui courent aussi, sont entourés par les chiens et s'avancent suivis par eux. Et Antoine se tourne vers les chiens. « Mais taisez-vous, bande d'idiots !»« Mais pourquoi ils nous suivent ?»« Ben, à cause de ma musette, pardi. Il y a quelque chose dedans. »« Mais non, » dit Ernest, « ils veulent qu'on les adopte. » Et à la grille d'entrée de la colonie, les chiens franchissent la grille avec les enfants, qui referment la grille derrière eux. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» dit Ernest. « Ben, on verra demain. »« Ah, demain, alors tu pars pas. » « Forcément, » dit Antoine. « Je peux pas te laisser seul avec tous les chiens. T'es trop petit. Ils te boufferaient. » C'est le jour, un chemin qui descend parmi des arbres. Fred, les yeux bandés, avance, guidé par Ernest et Antoine. Il s'arrête. « Oh, j'avance plus, » dit Fred, « j'avance plus si vous m'enlevez pas ce truc-là. »« Pas maintenant, » dit Ernest, « puisque c'est une surprise. » « La surprise des Fred, c'est que je vais me casser la gueule. » Et sur la rivière, une barque se dirige vers une île. C'est Antoine et Ernest qui rament. Fred est à l'arrière, les yeux toujours bandés. Ernest lui demande, « Tu sais où tu es maintenant ?»« Ben, je suis sur l'eau. Et tout à l'heure, je serai dans l'eau, parce que vous ramez mal. » Les deux enfants, pourtant, continuent à ramer. Et Ernest dit, « Tu es sur le Missouri. » « Qu'est-ce que c'est ?» dit Antoine. « C'est un fleuve. T'as pas lu, Jim l'intrépide ?»« Mais qu'est-ce que vous allez me montrer ?» dit Fred. « Vous avez retrouvé Tom ?»« Attends, on te dira. Vous verrez, » dit Antoine. « On a fait un beau travail. »« Et toi, » dit Ernest, « tu vas tout lui dire. » Et quand Antoine enlève le bandeau des yeux de Fred, Fred voit au-dessus de lui des enfants qui sont perchés dans les arbres. Les enfants crient, et Ernest prend Fred par la main et l'entraîne. « Viens voir !» Pendant que les cris des enfants continuent, on voit un écriteau « Colonie de vacances ».« Colonie de vacances des chiens ». Ernest avance et se baissant passe sous l'écriteau, puis dans un tunnel de feuillage qui s'ouvre sur une clairière où les chiens sont amassés. La clairière est entourée de barrières de branches, des huttes y sont construites sur les côtés. Ernest court vers une hutte. « Et tu sais, c'est nous qui avons tout fait !» Il s'arrête auprès d'une hutte où se tiennent deux chiens. « Ceux-là, ils veulent pas se quitter, ils doivent être mariés. T'as vu leur maison ?» On voit en effet, à tour de rôle, quelques huttes avec d'autres chiens. Puis, nous nous arrêtons sur une hutte où est un chien dont la patte est bandée. « Et ça, » dit Ernest, « c'est l'hôpital !» Et une autre hutte, mais qui est grillagée, dans laquelle est un chien qui est renfermé. « Et ça, c'est la prison !» Puis, Ernest est près d'une tente de Boy Scout, sur laquelle est un écriteau « Gardien de nuit ». « Tu vois, on a installé là une de nos tentes pour le gardien de nuit !»« Ben, » dit Fred, « c'est une bonne idée. Qui c'est le gardien de nuit ? Un chien d'aveugle ?»« Non, » dit Ernest, « c'est toi. »« Oui, ben entendu, on en reparlera. »« c'est vrai, c'est vous, » disent les enfants qui les entourent. « Écoute, c'est vrai, Fred, » dit Ernest. « Faut que tu restes ici, parce que la nuit, ils se battent, les chiens. » « Ah ouais, c'est pas mon métier de garder les cleps. »« Mais c'est très facile. »« Mais comment vous allez faire pour les nourrir ?»« Pour les nourrir ? T'en fais pas, on a un truc. »« Et le soir, au réfectoire, Antoine prend du pain dans la corbeille que lui tend son voisin. Il le cache dans ses poches et crie « Y a plus de pain !» La puce regarde autour de lui et cache aussi deux morceaux de pain qui étaient auprès de son assiette. Ernest, qui l'a vu, sourit. Il passe un morceau de pain à son voisin, puis il part à Yvonne. « Mademoiselle, on peut avoir du pain ?»« Tu viens d'en mettre un morceau dans tes poches, » dit Yvonne. « Tu fais des provisions ?»« Oh, c'est vrai, j'y pensais plus. »« C'est bon, » dit Yvonne à la servante. « C'est bon, je viens, » car une servante s'est approchée d'elle. Elle se penche vers Ernest maintenant. « Ernest, qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Moi, rien. » Il y a un gendarme qui veut te voir. Gendarme, viens avec moi. Elle quitte la table et Ernest la suit. Ernest dit, mademoiselle Yvonne, oh écoutez, c'est sûrement à cause des chiens. Quel chien? Ben vous savez, quand Tom avait disparu, et ils arrivent dans un vestibule où Ernest achève son récit. Et maintenant, nous les avons mis tous dans l'île. Et c'est ton frère qui les garde? Oui. Vous n'êtes pas fou d'avoir fait ça? Ben, vous dites qu'il faut être bon avec les animaux. Ils sont maintenant auprès d'un gendarme qui attend. Et qui dit, bonsoir mademoiselle, c'est le petit Ernest Aubry? Oui, c'est lui, dit Yvonne, je vous préviens, il a peur de vous, soyez pas méchant. Le gendarme s'approche d'Ernest, faut pas avoir peur mon petit, t'arriveras à rien à toi, t'as qu'à me répondre. On nous demande de parler des renseignements au sujet de son frère. De son frère, Steven. Ouais. Dis-moi, petit, il y a longtemps que t'as vu ton frère? Comme Ernest, sans répondre, regarde Yvonne, le gendarme ajoute. Ben réponds! Il est venu ici, n'est-ce pas? Oui, oui, dit Ernest. Et où est-il maintenant, tu le sais? Non. Tu veux pas me le dire? J'en sais rien. Eh ben, t'es pas bavard, toi. Bon, Charles, tu peux t'en aller. Yvonne, dit Ernest, retourne au réfectoire. Maintenant, le gendarme est seul avec Yvonne. Comprenez, mademoiselle, dit le gendarme. Ça m'amuse pas de cuisiner un gosse. Mais on nous a signalé que le frère du petit, il était par ici. Et qu'est-ce qu'on lui veut? Oh, il faisait partie d'une bande des voleurs d'auto, je crois. Ses deux complices viennent d'être arrêtés, alors. Il manque que lui. J'ai dû le voir ici. Oui, je l'ai vu. Bah, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas se douter, hein. Vous pouviez pas lire sur son visage, c'était un voleur, n'est-ce pas? Non, certainement. Ah, bah voilà. Bon, vous inquiétez pas, on le retrouvera bien. Il doit pas être loin. Et nous retrouvons Yvonne et Ernest, côte à côte, au réfectoire. Il ne parle pas. Et Ernest se penche vers Yvonne. Mademoiselle, est-ce que je pourrais sortir après dîner? Mais tu sais bien que c'est défendu. Mais c'est pour prévenir Fred. Faut qu'il s'en aille, mademoiselle. Oui. Oui. Je sais, dit Yvonne. Après dîner, dans le vestibule, les enfants sont réunis et chantent. Les chansons d'enfantine. Ernest est au dernier rang des enfants. Il se recule, se détache du groupe et regarde Yvonne. Yvonne voit Ernest, mais elle ne dit rien, elle baisse les yeux. En reculant et sans que personne d'autre qu'Yvonne ne l'observe, Ernest a gagné la porte. Il l'ouvre et sort. Et dans le parc et dans la nuit, il court. Et dans la forêt, il court. Et il arrive au bord de la rivière et il s'arrête. Il appelle. Fred! Un aboiement lui répond. Fred! Et plusieurs chiens aboient. Il continue d'appeler. Fred! Et les chiens continuent de lui répondre. Et dans l'île, Fred apparaît sur le rivage. Qu'est-ce qui m'appelle? C'est moi, Ernest! Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. Eh ben dis-le. Je peux pas le crier. Viens ici. Viens tout de suite. Dans le vestibule de la colonie, les enfants continuent de chanter. Yvonne, qui les regardait, se retourne et part. Elle est dans une pièce voisine et s'avance vers la fenêtre, contre laquelle elle s'accoude. Elle prend sa tête dans ses mains. Elle continue d'entendre le chant des enfants, auquel elle ne prête pas attention. Mais une ombre se glisse à côté d'elle. Quand elle relève la tête, on voit ses yeux pleins de larmes. Fred est en face d'elle. Il la regarde, bouleversé. Yvonne, dit-il. Ils sont à côté l'un de l'autre, elle dans la lumière qui vient de la pièce éclairée, lui dans l'ombre du parc. Et Yvonne l'interroge. Ernest vous a dit? Oui, dit Fred. Alors ne vous montrez pas ici. Oh, je m'en vais. Mais je voulais pas partir sans vous voir. J'ai eu tort? Mais non, bien sûr, dit Yvonne. J'aurais dû vous dire la vérité plus tôt, mais avouez que c'était pas commode. J'étais venu ici. Je croyais rester une heure, et puis... Ah, puis c'était trop beau. Ça pouvait pas durer. Moi, vous comprenez? Je savais pas trop ce que c'était. Des vacances. Et puis, vous étiez là. Yvonne sourit tristement. Où allez-vous maintenant? Demande-t-elle. Oh, dit Fred, ça dépend d'eux. Je courrai pas longtemps. Je sais même plus si j'ai envie de courir. Ah, mais je veux pas qu'ils me prennent ici. À cause de vous. À cause des gosses. Dans le vestibule, Ernest a poussé la porte et vient se remettre au dernier rang des chanteurs. Cependant, Yvonne et Fred sont non loin de là, toujours côte à côte, à la fenêtre. Ne vous inquiétez pas d'Ernest, dit Yvonne. Je m'occuperai de lui. Oh, moi aussi, dit Fred, je m'en occuperai. Plus tard, quand on se reverra. Je pourrai vous revoir. Mais oui, Fred, nous nous reverrons. Oh, même si vous le pensez pas. C'est toujours gentil de me le dire. Je le pense, Fred. Ben alors, je peux partir. Ça va mieux. Oui, partez. On pourrait vous voir ici. Ben adieu, Yvonne. Au revoir, Fred. Il fait quelques pas, puis il revient. Dites, vos gosses, quand ils sont méchants, vous les embrassez jamais? Yvonne prend le visage de Fred entre ses deux mains. Si, sur les deux joues, quand je leur ai pardonné. Et l'on voit l'ensemble de la fenêtre dans laquelle se trouvent Yvonne et Fred qui s'enfonce dans l'ombre et qu'Yvonne regarde partir. C'est le jour, une farandole d'enfants passe et disparaît. Au fond, d'autres enfants jouent à des jeux d'hiver et se poursuivent en criant. La farandole passe dans un autre endroit du parc. Antoine arrive, poursuivi par la puce qui lui saute sur les épaules. « Hé, dit Antoine, tu vas me lâcher? Oui ?» La puce. « Dis Antoine, quand on sera à Paris? Alors, tu seras gentil comme ici? Je suis pas gentil. Si, tu l'es. Je te dis que je le suis pas. Tu vas te taire? T'es gentil. Et si tu le dis encore, je te fous une baffe. T'es gentil, dit la puce en s'enfuyant. Et Antoine le poursuit. La puce passe devant un banc sur lequel est Ernest. Tous les deux tournent autour du banc. Ernest ne bouge pas. Et Yvonne arrive derrière Ernest et se penche auprès de lui. Ernest, tu vas pas jouer? J'ai pas envie. Tu as du chagrin? Ernest hausse les épaules. C'est à cause de Fred? Je sais pas. Cependant, Antoine a rattrapé la puce qui se débat. Lâche-moi! Antoine le lâche. T'as vu Ernest, dit la puce, la tête qui fait. Ben, dit Antoine, c'est parce que son frère est parti. Pourquoi il est parti? Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oh, ça, mon vieux, demande-lui. Ernest est auprès d'Yvonne. Qui lui dit, « Mais tu n'es plus tout seul, mon chéri. Je suis là. » « Oui, je sais, » dit Ernest. « Moi aussi. Parfois, j'ai des raisons d'être triste. J'essaie de ne plus y penser. »« Oh oui, mais vous, c'est pas la même chose. »« C'est vrai, Yvonne, c'est vrai. »« Et puis, tu as tes camarades. »« Oh, » dit Ernest, « eux, ils se fichent bien de moi. » Cependant, la puce est toujours auprès d'Antoine. « On va le chercher, » dit Antoine. « Tu crois, » dit la puce. « Oui, allez, on y va. » Il court vers Ernest et arrive auprès de lui. Et Antoine dit, « Tu viens avec nous, Ernest ?»« Quoi faire ?»« Pour rien, pour courir. »« Non. »« Allez, la puce, prends-lui l'autre main. » Ils entraînent Ernest. Yvonne les regarde partir. Au loin, la farandole passe devant les trois enfants. Venant du fond, Antoine, Ernest et la puce parviennent à prendre place dans la ronde. En riant, Ernest rit et chante avec les autres enfants. La ronde passe devant Yvonne et l'on voit de très haut la ronde des enfants qui tourne sur le gazon et c'est la fin. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Air pur. Scénario inédit de René Clair, lu par l'auteur. Assistante de réalisation, Annie Cœur-Devet. Cette émission a été diffusée la première fois le 24 septembre 1966 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Chegar meu, dar de mim o homem que é seu.